les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance. Radio Courtoisie. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Corentin Périgny. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale ligne droite. Au programme ce matin, figurez-vous que les manifestations anti-loi immigration ont repris depuis peu. Nous serons avec un militant patriote, Raphaël Heyma, pour en parler. Puis pour notre éclairage du jour à 7h35, évidemment, on va parler de cette hausse du prix de l'électricité qui arrive après la fin du bouclier tarifaire. Bruno Le Maire nous avait dit que l'électricité a augmenté à cause de Poutine et de la Russie. Alors Fabien Bouglé répondra à Bruno Le Maire. Puis pour notre table ronde, on va partir au Parlement européen où, figurez-vous, les députés LR et macronistes ont refusé de voter pour plus de transparence de la Commission européenne sur les contrats d'achat des vaccins. Alors nous serons avec le docteur Louis Fouché, Christine Coton, ça sera à 7h50. Puis enfin, pour notre vidéo, nous serons avec notre partenaire du jour, François Bousquet, et Marc Aubréjon, qui nous présentera son dernier livre, Omega Town, aux éditions du Verbe Haut. Mais tout de suite, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Bonjour Adèle. Bonjour Corentin, bonjour à tous. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, a annoncé hier le nombre de demandeurs d'asile en France en 2023. Au total, 142 500 personnes ont donc demandé la protection internationale de la France. Ils étaient 131 000 en 2022, soit une augmentation de 8,6% en un an. L'Afghanistan reste pour la sixième année consécutive le premier pays de provenance de ces demandeurs d'asile. L'OFPRA a notamment indiqué que son taux de protection, c'est-à-dire le nombre de demandes acceptées, avait augmenté de 4 points, soit 33% par rapport à 2022. Et la colère continue de monter chez les agriculteurs qui poursuivent leur mobilisation. Oui, le patron de la FNSEA annonce une amplification des actions des agriculteurs dès aujourd'hui. Le syndicat de la coordination rurale a été reçu hier par le Premier ministre Gabriel Attal, demandant à ce que l'État réponde en priorité aux problèmes de trésorerie des agriculteurs. Le syndicat propose une année blanche par rapport aux échéances bancaires, avec une prise en charge par l'État. Des appels au blocage des routes ont lieu dans toute la France. La rocade de Bordeaux, tout comme l'autoroute aux abords de Lyon, doivent être bloquées. Les usagers de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont invités à différer leur déplacement. Dimitri Pavlenko, journaliste européen, revenait sur les nombreuses normes, notamment écologiques, qui touchent les agriculteurs. Bah, moi, je crois qu'il y a aussi une question de moment. C'est-à-dire qu'on vit une fatigue écologique, quand même, depuis maintenant un petit moment, depuis le Covid. C'est plus vraiment la priorité. Et c'est vrai que là, du coup, il y a des choses qui paraissent totalement absurdes du point de vue des agriculteurs. Après, rappelez-vous, quand il y a eu les mouvements en Allemagne, moi, je vous avais dit, en France, on regarde ça avec une certaine envie. Il y avait une envie de cette colère. Et finalement, elle arrive chez nous de manière... ça ne sort pas de nulle part. Ça fait 6 mois qu'on retourne les panneaux dans les campagnes. Ce qui est intéressant novembre. De voir, c'est que d'un coup, il y a une attention. D'un coup, les médias ont regardé ce qui s'était passé. L'opinion publiée s'est mise à dire, ah bah tiens, il se passe peut-être quelque chose. Et c'est l'étincelle finalement qui déclenche le mouvement. Moi, j'aimerais bien ça parler avec ce Jérôme Bail, en fait, parce que c'est lui qui lance le truc sur la 64 au sud de Toulouse. C'est le point de départ, finalement. Et c'est pas pour rien, c'est une des régions où le revenu agricole est le plus pauvre de France. C'est aussi la région la plus bio, comme par hasard. Dimitri Pavlenko, journaliste européen, concernant la colère des agriculteurs face aux normes qui leur sont imposées. Hier, Alexandra, une agricultrice d'une trentaine d'années, était fauchée par une voiture qui avait foncé sur un barrage en Ariège. Les trois passagers à bord du véhicule étaient tous sous OQTF. Gravement blessée, la jeune fille de l'agricultrice est décédée hier soir des suites de ses blessures. Elle n'avait que 12 ans. Et l'inscription de l'IVG dans la Constitution sera débattue aujourd'hui à l'Assemblée. Oui, Gérard Larcher a déclaré hier qu'il était absolument contre cette inscription de l'IVG dans la Constitution, loi d'être opposée à l'avortement. Le président du Sénat considère que l'IVG n'est pas menacée en France et que la Constitution ne devrait pas servir de catalogue de droits sociaux et sociétaux. Charlotte Dornelas est revenue sur les conséquences que pourrait avoir l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Pourquoi je disais c'est une question de liberté? C'est d'abord, un, la question de la liberté de la clause de conscience des médecins qui était garantie par la loi, parce que aujourd'hui, dans la loi française, le respect de la vie est le principe et l'avortement est une dérogation. C'est pour cette raison-là qu'il existe une clause de conscience pour les médecins qui ne veulent pas pratiquer l'avortement. Si l'IVG devient un principe constitutionnel, alors c'est la clause de conscience et donc la liberté individuelle du médecin qui ne veut pas pratiquer l'IVG qui devient, lui, l'exception. Et à l'inverse, c'est la question de la liberté d'expression tout court, puisque si l'avortement est inscrit dans la Constitution, il devient une valeur supérieure, une fameuse valeur de la République, telle qu'on nous dit, un principe constitutionnel qui relève du dogme. Et donc s'y opposer pourrait être également puni au même titre que l'opposition à n'importe quel principe jugé aujourd'hui constitutionnel. Donc est-ce qu'on est encore capable, un, d'accorder cette liberté aux médecins qui ne veulent pas le faire, deux, de répondre aux opposants à l'avortement plutôt que de leur interdire de parler, le tout au nom de la défense de la liberté? C'est sûr que c'est un petit peu à front renversé, on va dire. Charlotte Dornelas revenait sur les conséquences de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le texte visant à constitutionnaliser l'avortement sera débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale avant d'être envoyé au Sénat. Et la Suède avance dans son projet d'intégration de l'OTAN. Oui, le Parlement turc a ratifié hier l'adhésion de la Suède à l'OTAN, en passe de devenir le 32e pays de l'Alliance Atlantique. Seule la Hongrie est désormais réfractaire à cette adhésion. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a malgré tout convié son homologue suédois à Budapest pour tenter de lever les derniers obstacles. Refusant toute négociation, le ministre des Affaires étrangères suédois s'est toutefois dit prêt à discuter des nombreux points communs et de la coopération militaire des deux pays. Et le sport se passe sur les pistes de ski aujourd'hui. Oui, la Coupe du Monde de ski se poursuit. Hier, le Suisse Marco Odermatt a signé une 5e victoire en géant cette saison. Thibaut Favreau, le premier français dans la course, est 12e du classement. Blessé le 12 janvier dernier, Alexis Pinturo a quant à lui été opéré hier. Il a indiqué qu'il entendait bien poursuivre sa carrière et qu'il espérait être de retour pour la prochaine saison qui débutera en octobre 2024. Et les températures se sont définitivement radoucies cette semaine. Oui, le soleil s'impose du bassin aquitain au sud des Alpes et à la Méditerranée avec des températures proches des records de douceur pour la saison. Le ciel reste bien chargé au nord de la Loire avec un risque de pluie. Côté température, nous avons ce matin 8 degrés à Biarritz, 9 à Lille, 12 à Paris et dans l'après-midi, nous aurons jusqu'à 13 degrés en Bretagne, 14 en région parisienne et 20 en Provence. Et nous fêtons aujourd'hui Saint-François de Sales, Sainte Xenia et Saint-Macédone. Merci Adèle Rosner. Et nous sommes ce matin avec Liselotte Dutreuil. Bonjour Liselotte. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Alors hier, vous avez animé, ça s'est bien passé? Tout à fait. Eh bien écoutez, vous... Quelques petites hésitations, mais... Non, mais écoutez, c'est normal, vous êtes très bien débrouillé hier et vous continuez, donc vous animez demain avec Maud Coffleur. Mais ce matin, vous nous parlez de la reprise des manifestations anti-loi immigration avec Raphaël et Emma. Et avant, je vous propose d'écouter cette chanson d'un duo pop français choisi pour l'Eurovision 2018 qui raconte la naissance d'une petite migrante en 2017 à bord de l'Aquarius, un bateau de l'ONG SOS Méditerranée. Ça s'appelle Merci et c'est chanté par le duo Madame Monsieur. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Voilà, c'était monsieur, madame monsieur qui nous chante Merci. Voilà, Merci, c'est le nom de cette petite migrante née à bord de l'Aquarius, le bateau de l'ONG SOS Méditerranée. On parle d'immigration tout de suite avec Liselotte Dutreuil et Raphaël Aymain. Ligne droite. Demandez François, Paris Presse, Le Figaro Littéraire. La libre information. Tous les regards sont en ce moment tournés à raison vers les manifestations d'agriculteurs. Néanmoins, d'autres protestations plus modestes ont repris ces derniers temps. Il s'agit de celles contre la loi immigration. Alors si vous êtes sur les réseaux sociaux, chers auditeurs, vous avez peut-être vu passer la vidéo de ce jeune homme qui intervient lors d'un de ces rassemblements pour fustiger de façon impromptue mais non moins remarquable les manifestants. Ce jeune homme, c'est notre invité du jour. Il a 21 ans, il est étudiant et militant identitaire au sein du mouvement Tennessee. Mais il est aussi lanceur d'alerte. Bonjour Raphaël Emma. Bonjour Lisette. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez revenir sur votre intervention lors de ce rassemblement anti-loi immigration? Est-ce que c'était un acte spontané, une action préparée? Comment ça s'est déroulé? Expliquez-nous tout. Bien sûr, bien sûr. Alors du coup, ça a eu lieu dimanche matin sur le parvis de la mairie d'Aix-en-Provence. Donc c'était une action spontanée. Je passais par là quand j'ai croisé cette manifestation, donc qui était globalement en fait garnie des rangs de ce que j'appelle les reliquats de la gauche, hein, En fait, on retrouvait dedans la CGT, on retrouvait ATTAC, on retrouvait certains syndicats professoraux. La moyenne d'âge était très élevée. Et globalement, bon, c'était, j'avais l'impression de voir une espèce de nécromancie des manifestations de SOS racisme dans les années 90. Évidemment, c'est l'esprit militant qui a un petit peu parlé. Assez rapidement, j'ai décidé donc d'interrompre cette manifestation. Il y avait des tours de parole avec des slogans qu'on a entendus dans la vidéo. Je voulais essentiellement rappeler à ces militants de gauche qu'ils étaient plus ou moins complices de certaines morts françaises liées à l'immigration. Alors justement, on va y revenir. Effectivement, vous mentionnez la petite Lola, vous mentionnez Thomas, et vous leur dites qu'ils ont le sang de ces Français sur les mains. Ce sont des accusations assez lourdes. Est-ce que vous pourriez nous les justifier ? Alors bien sûr, donc je cite Axel, je cite Lola. J'aurais aimé sur le moment citer Dominique Bernard, le professeur qui avait été assassiné à Arras par un Tchétchène qui était sous le coup d'une OQTF. Parce que précisément, dans le cortège, vous aviez des membres du Parti communiste français, vous aviez même des élus du Parti communiste français, du conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence. Et le Parti communiste français, très concrètement, par exemple, avait interrompu la procédure d'OQTF par une mobilisation qui visait justement ce terroriste qui avait assassiné Dominique Bernard. Donc, globalement, en fait, dire que la gauche française est complice par son action de, par exemple, la non-application d'une OQTF d'un terroriste qui est passé à l'acte, c'est pas vraiment un abus de langage. Alors les mots sont évidemment forts, sont évidemment symboliques, mais derrière, l'idée, c'est quand même de dénoncer que c'est tout un écosystème qui permet, par exemple, donc à une OQTF de rester sur le territoire, qui permet à un drame d'arriver. Et qu'en fait, dans toute cette chaîne de l'horreur, le militant du PCF ou le militant de la CGT ou le militant en fait qui prend position contre l'application des OQTF a une partie de responsabilité. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais on pourrait vous répondre oui, mais en fait, ces manifestants, ils essaient de défendre des immigrés qui, eux, n'ont rien à voir avec ces drames. On ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Mais bien sûr, mais en fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en fait, moi, je n'accable pas que le militant de gauche. Si vous voulez, je vois qu'il y a une double responsabilité, qui est à la fois une responsabilité étatique, donc on pourrait plutôt imputer au concentrique, à l'administration de l'État, et une responsabilité, on va dire, culturelle de la gauche. Si vous voulez, la gauche, elle construit tout un système de légitimation. De l'immigration, qui ensuite va trouver ses traductions dans des horreurs comme ça. En fait, combien de temps allons-nous attendre avant de comprendre que la non-application des OQTF, par exemple, est peut mener à ce genre d'horreur? Quand on voit notamment l'agriculturiste qui a été frappé par une voiture bélier sur un barrage, une nouvelle fois, on retrouve trois individus qui étaient sous OQTF et clandestinement sur le territoire. Alors, j'aimerais revenir sur la moyenne d'âge dont vous parliez dans les rangs. Vous l'avez précisé. J'imagine que ça a une importance pour vous. Est-ce que cette moyenne d'âge élevée parmi les manifestants anti-loi immigration, de la CGT, vous l'avez dit, ATTAC, etc., est-ce que pour vous, ça révèle quelque chose ? Bien sûr que ça révèle quelque chose. En fait, ça révèle une fracture générationnelle entre une génération qui a vécu sous les Trente Glorieuses, qui a profiter en tout cas des fruits des Trente Glorieuses, donc de la génération de nos grands-parents, un peu plus loin de nos parents, qui a pu connaître une France qui était globalement pacifiée, lointaine de ces problématiques d'insécurité, face en fait à une jeunesse qui, elle, est en première ligne face aux tensions sociales qui traversent le pays. Si vous voulez, moi, quand je fais cette intervention, ce qui m'insupporte en premier lieu, c'est vraiment de voir un cortège qui n'est pas du tout représentatif, par exemple, de la sociologie d'Aix-en-Provence. Si vous voulez, Aix-en-Provence, c'est une ville d'étudiants dans une manifestation de gauche. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de jeunes. Non, non, la moyenne d'âge était globalement au-dessus des 50 ans. Et d'ailleurs, le contraste était assez saisissant parce que quand j'interromps les prises de parole, en fait, je suis le seul gars dans la vingtaine de tout le parvis de la mairie. Alors, du coup, vous êtes un peu isolé à ce moment-là, mais finalement, on peut imaginer que vous êtes représentant de bien plus de jeunes, justement, qui seraient opposés à ce genre de manifestation. Et d'ailleurs, après, donc ça a lieu, comme je vous ai dit, sur le parvis de la mairie d'Aix-en-Provence. Donc c'est une place avec des bars, et quand je suis expulsé de la manifestation, je vois que les barman me regardent, etc. Donc des serveurs assez jeunes des bars d'à côté qui sont des étudiants qui taffent à côté de leurs études, et le lendemain matin, quand je vais boire un café sur la place de la mairie, j'ai l'un des serveurs qui vient me voir pour me féliciter pour mon action. Donc en fait, sur le moment, je suis isolé, mais je suis évidemment intimement convaincu qu'à ce moment-là, je m'étais fait porte-parole de la vie d'un certain nombre de jeunes de ma génération. Oui. Mmh. Alors, si vous interrompez justement ces manifestations anti-loi immigration, est-ce que c'est parce que vous êtes pour cette loi immigration ? Alors, cette loi immigration, sans rentrer dans des considérations logistiques très précises, de loi immigration, en fait, est évidemment pas suffisante. On parle du point de vue d'un militant identitaire. Cette loi immigration a des lacunes, a des faiblesses. Elle ne va pas assez loin sur certains points. Son passage au Conseil constitutionnel va certainement encore plus l'amputer. Donc, le résultat ne va pas être aussi droitier que ce que la gauche craint. En revanche, cette loi immigration, c'est un baromètre d'opinion à l'échelle du pays. Si vous voulez, il y a 70% de soutien envers cette loi immigration. Et ce 70%, c'est comme si on avait réalisé un grand sondage sur le « est-ce que vous voulez réguler les questions migratoires en France ? Est-ce que les pouvoirs publics doivent faire quelque chose ?» par rapport à l'immigration. Donc, moi, sans être un fanatique de ce projet de loi, j'y retrouve quand même, enfin, dans l'opposition de ces militants gauchistes, j'y retrouve une nouvelle fois une énorme déconnexion avec l'opinion réelle des Français, et en fait avec même une forme d'expression démocratique des Français. Et est-ce que vous comprendriez des manifestants qui protestent contre la loi immigration, mais pour dénoncer le fait qu'elle ne soit pas assez stricte, justement ? J'attends de les voir. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de... Je sais que c'est par exemple la position de Reconquête. Hein. Reconquête considère que cette loi immigration n'est pas assez stricte. Bon, Reconquête n'a pas encore appelé à des manifestations, à ma connaissance. Reconquête ne prend pas part au cortège de la CGT ou organisé par la CGT. Donc, évidemment que je le comprendrai, mais je crois que c'est pas vraiment d'actualité aujourd'hui. Et alors justement, est-ce que selon vous, c'est regrettable que ce soit pas d'actualité, que finalement il y ait toute une part des Français qui soient justement sur des positions plus strictes vis-à-vis de l'immigration ? Alors là, en l'occurrence, qu'on soit pour ou contre la loi, mais juste plus généralement, est-ce que vous regrettez que vous soyez le seul là récemment à avoir porté votre voix dans la rue, et que derrière la plupart des Français restent finalement assez dociles? Moi, je pense que évidemment que je regrette d'être tout seul dans cette manifestation. Après, je crois que les Français sont quand même moins dociles qu'on le croit. Hein. On a eu des rassemblements suite à la mort du jeune Thomas en décembre, qui pour des rassemblements d'hommage avaient été numériquement importants, en tout cas plus importants que d'autres rassemblements du même type par le passé. Donc on sent quand même qu'il y a une organisation, un ras-le-bol des Français, voire même des Français qui ne sont pas militants, hein, des Français du quotidien, hostiles à l'immigration, qui commencent déjà à s'organiser et à partager leur colère dans la rue. Ensuite, ce que je dirais sur le manque de strictité de cette loi, c'est que c'est peut-être la marche naturelle des choses, et qu'un règlement, une solution plus concrète à ces questions d'immigration, en fait, arrivera naturellement avec l'institutionnalisation de nos idées, avec une hypothétique prise du pouvoir en 2027 par l'un des deux partis de la mouvance nationale. Donc, je pense qu'il faut laisser les choses au temps, et que une nouvelle fois, en fait, non seulement c'est un baromètre d'opinion, un espèce de grand sondage sur les questions de l'immigration à l'échelle du pays, mais en fait, c'est aussi un premier pas en avant pour voir quelles sont les attentes des Français, jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Et je crois que les signaux sont plutôt positifs, puisqu'effectivement, ce qu'il en retourne, c'est que pour une partie de l'opinion, la loi ne va pas si loin. Alors, vous êtes jeune, Raphaël Emma. Autour de vous, souvent, on croise des gens qui sont désabusés, qui n'y croient plus, qui expliquent que tout est perdu, peut-être même qu'il faut partir à l'étranger parce qu'ici, on n'arrivera plus à rien. Vous, aujourd'hui, vous portez un message d'espoir. Quand on vous entend, vous croyez à une hypothétique victoire en 2027. Vous expliquez qu'on pourra peut-être aller plus loin, chercher des mesures plus concrètes, plus efficaces. Vous avez de l'espoir en l'avenir ? Bien sûr, parce que je suis passé justement par cette phase de désespoir qui touche beaucoup de jeunes de ma génération, hein, qui disent que de toute façon tout est foutu, que les Français ne se réveilleront pas, ce genre de choses. Moi, ce qui m'a permis de passer au-dessus de tout ça, tout simplement, c'est l'action. Et en fait, s'il y a des jeunes qui sont dans cette situation, je les invite à transformer leur déprime, leur dépression en force positive. C'est-à-dire qu'il faut justement surpasser le triste constat pour le mettre en fait au service de l'action, de l'idéal, et en fait affronter les problématiques de l'époque avec un peu de passion. Vous parlez de ces problématiques de l'époque. Selon vous, quelles sont les problématiques majeures ? Bon, globalement, il y a toutes les questions d'identité, mais ça recouvre un sens qui peut être très large. Je ne sais pas, juste les questions d'immigration, c'est globalement la place que nous, en tant que Français, occidentaux, Européens, voulons retrouver dans l'histoire par rapport à la foi, par rapport à la culture, par rapport en fait globalement à notre rôle historique. Ça, c'est pour ce qui est de l'identité. Ensuite, on le voit notamment avec des manifestations d'agriculteurs ou de manière plus générale avec d'autres actualités. Il y a évidemment aussi une crise sociale que traverse l'Europe, que traverse l'Occident. Vous avez une crise du sens. En fait, il y a toute une série de crises qui touchent la jeunesse européenne, qui effectivement doivent être prises à bras le corps, puisqu'elles sont justement, je pense, comme tu le disais, les sources du malaise de ma génération. Alors, tout à l'heure, quand on parlait de la façon dont vous avez interpellé les manifestants à Aix-en-Provence, on disait que justement, vous les accusiez d'avoir le sang des Français sur les mains. C'était des propos forts, et en fait, quand on les entend, on a presque l'impression qu'ils seraient, je pousse un peu loin le trait, mais qu'ils seraient des collabos. Est-ce que ça sous-entend que vous avez l'impression que la France est dans une situation critique, presque de guerre ou d'occupation, et que justement, il va y avoir une distinction entre le camp qui aura contribué à faire sombrer la France dans cette situation et les Français qui se sont soulevés? Et si oui, est-ce que vous ne craignez pas que cette fracture, justement, s'accentue et crée de véritables conflits au sein de la société? Alors, sans décréter une hypothétique guerre civile ou sans décréter une situation d'occupation, j'irai pas jusque-là. Ce qui est certain, c'est que les générations qui nous ont précédés vont avoir une responsabilité si elles ne comprennent pas maintenant les fractures et surtout le fruit de leur inaction pendant tout le temps qu'elles ont eu. Donc oui, les fractures vont avoir vocation à s'accentuer. De toute façon, les fractures, c'est pas les lanceurs d'alerte qui les créent. Les lanceurs d'alerte, ils les constatent, les fractures. Ce qui est important à imaginer, c'est que moi, je vis dans un pays où en fait j'ai eu une enfance relativement et une adolescence relativement similaire à celle d'un Thomas, à celle d'une Lola, mais par contre qui est strictement différente, je pense, de l'enfance ou de l'adolescence qu'un Naël a eu. Donc la fracture, elle est déjà là, et je pense que pour ce qui est des boomers gauchistes, des éternels boomers gauchistes, en fait la fracture se réconciliera d'elle-même. Constateront, je pense, la réalité à un moment donné. De toute façon, leurs petits-enfants leur feront constater. C'est ce que j'avais remarqué en criant dans le cortège, hein, c'est qu'il y avait un vrai malaise de ces anciens, de ces professeurs de la CGT, de la FSU, etc., qui me regardaient presque un peu avec de l'empathie parce qu'ils voyaient leur petit-fils chez moi. Mais globalement, la vraie fracture, ça risque d'être en fait entre la jeunesse autochtone de ce pays et la jeunesse allogène. Et vous considérez que le gouvernement est responsable aussi d'une certaine partie, parce que là, donc, vous évoquez les boomers gauchistes. Le gouvernement, qu'en est-il ? Bien sûr. Non, mais de toute façon, c'est une situation sur le long terme. Donc, oui, le gouvernement, je dirais même que le gouvernement est plus responsable que les gauchistes dans une certaine mesure. On peut même, et d'ailleurs, en fait, je désigne là les boomers gauchistes parce qu'ils apportent cette question culturelle à la question de l'immigration. Enfin, c'est le rôle que la gauche a eu. Elle a justifié culturellement l'immigration, mais la politique d'immigration en France, les départs, les arrivées massives, les premières arrivées massives de mouvements migratoires en France, elles se font aussi sous des gouvernements de droite avec Giscard d'Estaing. Donc, c'est une formule, quand je désigne les boomers gauchistes, évidemment, je prends en compte tout un écosystème avec la gauche comme position culturelle, certains intérêts économiques comme motivation et l'État, en fait, qui est de toute façon le qui devrait normalement être le garant de la sécurité, de l'application des OQTF. Et qui, en fait, faille à sa mission. Alors, il nous reste 2 minutes. Récemment, vous vous êtes très engagé aussi sur la question des agriculteurs, hein, qui manifestent aussi beaucoup en ce moment. Est-ce que vous voudriez partager quelques mots à ce propos ? Bien sûr, j'ai pris position sur les agriculteurs et j'ai incité les gens de la mouvance identitaire, de la mouvance nationale, à prendre position sur ce conflit et même sur ce conflit social et même à se rendre dans sur les manifestations, sur les rocades. En fait, à construire la jonction. Donc oui, en fait, je proposition évidemment parce que j'ai de la sympathie pour leur combat et leurs revendications, qui en plus sont des revendications appelant à plus de protectionnisme économique, un retour à une forme de souveraineté alimentaire, politique. Mais je crois qu'en fait, les convergences se construisent et que pour construire des convergences, il faut qu'effectivement des identitaires qui vont être plus présents sur des sujets d'identité aillent mettre sur des sujets sociaux auprès des agriculteurs pour permettre toutes les solidarités de demain, tout simplement. Écoutez, merci beaucoup Raphaël Emma. Je pense que le message est clair. Chers jeunes, engagez-vous. Si vous êtes moins jeunes, aidez-nous à nous engager. Alors je suppose qu'on peut aider votre mouvement, Raphaël. Donc on peut adhérer sur tenesoun.fr. On peut aussi faire des dons depuis tenesoun.fr de manière générale. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, nous relayer, c'est le premier des soutiens. Très bien, eh bien, ce sera fait, chers auditeurs. Je vous invite à le faire en tout cas. Raphaël Emma, je rappelle que vous êtes étudiant et militant identitaire et patriote au sein du mouvement Tenesoun, mais aussi lanceur d'alerte. Merci d'avoir été parmi nous, merci pour votre combat et puis bon courage. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et nous sommes ce matin avec Lisa Kamen. Bonjour Lisa Kamen. Bonjour Corentin. Vous êtes professeur, vous êtes auteur de La Grande Garderie, paru le septembre dernier aux éditions Albin Michel. Et je voulais revenir avec vous sur la énième polémique sur l'établissement privé catholique Stanislas, hein, un collège, lycée, même primaire, parisien. Et je voulais donc on le sait, on l'a dit, Amélie Oudéa Castéra, donc la ministre de l'Éducation nationale, a mis ses enfants dans une école privée, les a enlevés de l'école publique pour des motifs qui se sont avérés faux. Et puis, on se rend compte qu'il y a donc eu un rapport de l'inspection générale que Mediapart a révélé, soi-disant qui est secret, mais en fait, en réalité, qui est seulement confidentiel. On ne va pas revenir sur tout ce rapport, mais moi, il y a quelque chose qui m'a largement choqué, notamment, c'est quand il parle de la catéchèse. Je vous le lis, puis j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus. C'est dans le rapport de l'inspection générale, il y a écrit, donc c'est une préconisation, c'est de renforcer le contrôle sur les intervenants dans la catéchèse et afin de prévenir les propos contraires aux valeurs de la République, voire pénalement répréhensibles. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, une école privée catholique, finalement, on doit contrôler la catéchèse et voir si les propos tenus au sein des cours de la catéchèse sont bien en accord avec les valeurs de la République ou non. Ça paraît un petit peu dingue. Oui, c'est un... c'est un petit peu fou, c'est-à-dire qu'on imagine bien que quand on met son enfant dans une école catholique, c'est entre autres pour qu'il reçoive une éducation catholique et en particulier des cours de catéchisme. Alors il y a ce qui ressort de l'ordre public, c'est-à-dire que si un intervenant fait l'apologie de quelque chose qui est interdit par la loi, je sais pas, le crime, le viol et même le djihad d'ailleurs, c'est évidemment répréhensible et ça doit être c'est un problème qui doit se régler avec pourquoi pas le licenciement de cette personne, et on peut aller jusqu'à la fermeture d'un établissement. Maintenant, si un cours de catéchisme contient des mentions telles que, je sais pas, l'avortement est contraire à la foi chrétienne, ou l'homosexualité n'est pas admise par la foi chrétienne, ce sont des informations, en fait. Et là, je pense qu'on a un petit problème, c'est-à-dire que si on interdit aux établissements catholiques de donner des informations sur ce qu'est la foi catholique, autant les fermer tout de suite. Mais là, on est dans un, comment dire, on est dans un règlement de compte du public contre le privé. Hein, et on voit bien qu'on s'attache à redresser le bois tordu de l'humanité sans considérer aucun cas particulier. C'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait instruire ses enfants de manière religieuse, finalement, ne pourrait plus avoir le choix. On demande à la ministre de faire son autocritique, des excuses publiques. Bientôt, ça va être une émission de télé-réalité pour montrer à quel point elle se repent. Enfin, c'est la Chine de Mao, là. On est dans une dérive très grave de la guerre du public contre le privé. Guerre que les établissements privés catholiques n'ont jamais cherchée, n'ont jamais initiée. Hein, il faut rappeler que ce sont eux qui ont été expulsés, expurgés de l'instruction il y a maintenant plus de 100 ans, puisque c'était au moment de la séparation de l'Église et de l'État, qu'on a fermé manu militari les écoles confessionnelles, on a déporté les prêtres qui enseignaient, etc. Donc là, on est quand même dans une dérive, on revient en fait à cette guerre qui n'a jamais cessé de sévir, hein, mais qui était quand même larvée, voilà. Et là, c'est vraiment la curée pour la ministre et pour l'ensemble des écoles catholiques. Et puis, dans ce rapport, Lisa Kamen, on parle aussi d'éducation à la vie, sexuelle, enfin, éducation à la sexualité, et notamment, il parle des cours de SVT, et l'inspection demande, enfin, en tout cas, de contrôler l'effectivité des enseignements de sciences et de la vie de la Terre, et en particulier ceux relatifs à la prévention des risques, les grossesses non désirées, le VIH, le sida, afin de ne pas porter atteinte à la santé des élèves. Alors évidemment, on connaît les positions de l'Église, hein, sur la sexualité puis sur l'avortement. Ça veut dire que même là-dessus, l'État devra contrôler ce qui se dit dans ses enseignements. S'ils parlent d'effectivité, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Est-ce qu'ils veulent dire que ces enseignements n'ont pas lieu du tout ? Ou est-ce qu'ils sous-entendent que ces enseignements sont biaisés par, justement, qu'ils sont l'objet d'une orientation catholique ? Alors, ces enseignements, alors, s'ils n'ont pas lieu du tout... S'ils existent bien, mais ils parlent, préfère parler de vie affective plutôt que vie sexuelle. Bon, après, C'est ce qu'on fait en général. Alors, je vais pas attirer l'attention de l'inspection sur toutes les écoles catholiques, mais c'est ce qu'on fait en général. En tout cas, dans les petites classes, hein, celles que je connais, en général, on parle plutôt effectivement d'éducation à la vie affective que d'éducation sexuelle. Et c'est plutôt orienté sur la façon dont on doit percevoir son propre corps. Voilà, on entend des choses comme « ton corps est un trésor, toi seul as droit d'y toucher », etc. Ce qui permet de prévenir effectivement... les mauvaises tentations des adultes envers les enfants. On les informe de manière assez scientifique sur la reproduction, mais c'est vrai qu'il y a pas, on leur apprend pas à enfiler une capote, hein. Ça, c'est sûr qu'à l'école privée catho primaire, on n'apprend pas aux enfants ni comment on fait une fellation ni comment on enfile un préservatif. Et je pense que c'est bien, parce que je pense que c'est des choses qui doivent se faire éventuellement quand les parents le souhaitent, en famille, si les parents ont envie d'expliquer à une jeune femme comment elle doit se protéger d'une grossesse ou comment elle doit se protéger d'un rapport non désiré. Je pense que ça doit se faire en famille jusqu'à un certain âge, en tout cas, que pour certains enfants, on le sait, hein, pour certains enfants, parler de sexualité avant un certain âge, c'est une violence. Moi, je le vois bien, hein, même parler d'amour, il y a des enfants pour qui c'est quelque chose d'assez... dérangeant, gênant. Donc, c'est peut-être pas la peine d'aller sur ces terrains-là avant un certain âge. Je dirais qu'avant 12-13 ans, c'est un petit peu jeune. Mais écoutez, merci beaucoup Lisa Kamen pour ces éclaircissements, et je pense que malheureusement la polémique sur Stanislas ne va pas s'arrêter de sitôt, donc on continuera de suivre cela avec vous. Je rappelle, vous êtes professeur, et puis je rappelle le titre de votre livre, La Grande Garderie, aux éditions Albin Michel. Merci à vous et à très vite. Merci Corentin. 7h-10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Corentin Périgny. Bonjour à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Il est 7h34, vous êtes sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie, pour notre table ronde. Vous le savez, à 7h50, on va parler du Parlement européen et puis de ses députés LR et macronistes qui ont refusé de voter pour plus de transparence de la Commission sur les contrats d'achat des vaccins. Nous serons avec le docteur Louis Fouché et Christine Coton, mais tout de suite avec notre expert en politique énergétique, Fabien Bouglet. On revient sur la hausse du prix de l'électricité, puis je vous propose d'écouter une diatribe contre les fournisseurs d'électricité, ça s'appelle Électricité, c'est chanté par Michel Buller. Et dis donc, toi qui me vends mon électricité, écoute-moi, depuis quelque temps m'est venu quelques idées. C'est moi qui parle aujourd'hui, tais-toi, il y a trop longtemps. T'as l'argent, tiens, d'où viens-y pour me balancer tes boniments? Je me disais, celui qui me fournit de quoi me chauffer, m'éclairer, c'est quelqu'un comme un ami qui veille sur ma santé. Mais voilà, t'es qu'un marchand, tu vends, tu vends, tu vends, comme celui qui pique mon pognon pour fabriquer ses gros canons. Voilà, Michel Buller qui nous chante Électricité, mais tout de suite c'est Fabien Bouglet qui va nous parler d'électricité après cette hausse du prix d'électricité annoncée par Bruno Le Maire. Ligne droite, l'éclairage du jour. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, nous a prévenu au 1er février 2024, les particuliers et les professionnels verront leurs factures d'électricité augmenter. Alors 9,8% sur les tarifs heures pleines et heures creuses et 8,6% sur les tarifs de base. En cause, donc c'est le retour de la TICFE, hein, une taxe qui avait été gelée avec la mise en place du bouclier tarifaire sur l'énergie qui devrait prendre fin progressivement. Mais Bruno Le Maire ne l'explique pas de cette manière. C'était à l'Assemblée nationale face à la députée Laure Lavalette, c'était le 16 janvier dernier. Il vantait le bouclier tarifaire, expliquait à la députée que si le prix allait augmenter, c'était avant tout la faute de Poutine et de la guerre en Ukraine. Je vous propose de l'écouter. Prenez la question de l'électricité et du gaz, qui est la principale raison de l'inflation dans notre pays depuis 2 ans. Cette majorité a mis en place un bouclier sur l'électricité et le gaz qui a mieux protégé la population française que toutes les autres populations européennes. Quand l'électricité a flambé et que la facture d'électricité des Français aurait dû doubler, passant en moyenne de 1 000 à 2 000 euros, nous avons pris en charge la moitié de cette facture, 1 000 euros. Vous, Madame Lavalette et votre groupe, vous proposiez la baisse de la TVA à 5%, ce qui aurait représenté 300 euros d'économie. Nous avons fait 3 fois mieux que vous sur le pouvoir d'achat. Et je me permettrai de vous rappeler, Madame Lavalette, que nous n'aurions pas eu de problème de pouvoir d'achat, que nous n'aurions pas eu de problème de flambée des prix de l'électricité et du gaz si votre ami, M. Vladimir Poutine, n'avait pas attaqué l'Ukraine. Voilà, c'est la faute de l'ami Vladimir Poutine, d'après Bruno Le Maire. Alors pourquoi le prix de l'électricité flambe réellement alors que nous produisons l'énergie la moins chère d'Europe? Pourquoi le prix de notre électricité est lié à celle du gaz? Et est-ce la faute du méchant Poutine ou alors du marché européen de l'électricité? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Fabien Bouglet. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique, auteur de ces livres Éoliennes, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, Nucléaire, les vérités cachées, puis dernièrement Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Tous vos livres sont aux éditions du Rocher, vous êtes fidèle à votre éditeur. Alors, justement, on le sait, le prix de l'électricité va flamber alors que nous produisons l'énergie la moins chère d'Europe. Pourquoi, Fabien Bouglet? Alors... Loin d'être la cause de Vladimir Poutine, il a bon dos, Vladimir Poutine. Je rappellerai tout de même que Bruno Le Maire, au moment de l'invasion du Donbass par Vladimir Poutine, avait déclaré une guerre économique totale à la Russie, et on ne peut pas dire que le résultat soit à la hauteur. Enfin bon, ne faisons pas de politique politicienne de base pour traiter une question fondamentale. En réalité, le prix de l'électricité est multifactoriel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en raison, il y a plusieurs raisons pour lesquelles le prix de l'électricité peut monter. Ces dernières années, le prix de l'électricité avait monté pour une raison, c'est l'explosion du prix du gaz, parce que, comme on le dit régulièrement dans cette antenne, le gaz, ou l'unité de production la plus chère en Europe, conduit à une augmentation du prix de l'électricité, parce que le prix de l'électricité est indexé sur l'unité de production la plus chère. Comme le prix du gaz a monté, non pas à cause de la guerre en Ukraine, mais en raison des sécheresses de vent en 2021, puisque au deuxième semestre de 2021, vous avez une multiplication par 6 du prix du gaz, et c'était bien avant la guerre en Ukraine, eh bien, le prix du gaz a explosé et a conduit à une explosion du prix de l'électricité. Mais là, on parle du prix de l'électricité. Ensuite, on a eu un autre souci en France et qui a eu un impact considérable en Europe, c'est que nos centrales nucléaires ont été indisponibles en raison des problèmes de corrosion sous contrainte. Plus de la moitié de nos centrales nucléaires étaient arrêtées. Donc, vous cumulez ces deux questions importantes de baisse de disponibilité de nos centrales nucléaires couplées avec l'explosion du prix du gaz, eh bien, et d'ailleurs qui sont corrélées, hein, parce que comme on avait moins de centrales nucléaires disponibles, les Allemands ont dû utiliser des centrales au gaz ou au charbon. Et sachant que les combustibles fossiles, charbon, gaz et pétrole, voient leur augmentation assez liée, même si elles ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a une augmentation corrélative, eh bien, ces deux événements ont conduit à l'augmentation du prix de l'électricité. Du prix de l'électricité. Et ça a été accentué par la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas la cause de la guerre en Ukraine, parce qu'évidemment, le sabotage de Nord Stream 1 et 2, les deux gazoducs dans la mer Baltique, ont accentué la tension qu'il pouvait y avoir dans cette guerre de l'énergie entre la Russie et les États-Unis. On peut dire en tout cas que la tension sur le gaz, elle est liée à cette guerre de l'énergie entre les États-Unis et la Russie. Mais aujourd'hui, on ne peut plus partir de cette notion, puisque le prix du gaz, compte tenu du fait que les États-Unis ont largement augmenté leur capacité de liquéfaction, et des tensions qu'il y a sur le gaz qui se sont largement atténuées, du fait que nos réacteurs nucléaires sont largement opérationnels puisqu'on on se remet à être le plus grand pays exportateur d'électricité en Europe, eh bien, notre prix de marché de l'électricité a largement baissé puisque le gaz a baissé. Donc, l'augmentation n'est pas liée à l'augmentation du prix de marché. En revanche, et c'est exactement comme l'essence, c'est-à-dire que l'essence, vous vous souvenez, c'est 25 à 30% qui est un prix de l'essence et le reste, ce sont des taxes. Eh bien, c'est exactement la même chose pour l'électricité. L'électricité, vous avez un prix du mégawattheure ou du kilowattheure pour les particuliers. Ce prix n'a pas sensiblement bougé ces dernières années. Mais en réalité, la facture d'électricité, aujourd'hui, comprend deux taxes principales. Le TURP, c'est le tarif de raccordement. Ce sont les taxes destinées à payer les nouveaux raccordements. Donc, les raccordements, on va pas se leurrer, c'est la distribution, c'est les compteurs Linky, c'est derrière la distribution en particulier et c'est les lignes à haute tension. Ce sont les autoroutes et les routes de l'électricité. Et ça, c'est le TURP. Et puis, vous avez la TIFCE, c'est-à-dire la taxe carbone de l'électricité, qui va augmenter, qui avait baissé pour justement être un amortisseur de la progression du prix de l'électricité. Et donc, effectivement, aujourd'hui, vous avez un double phénomène qui ne va pas s'arrêter. Ouais. C'est que comme Emmanuel Macron et le nouveau ministre de l'énergie, Bruno Le Maire, veulent continuer le en même temps énergétique nucléaire et énergie intermittente éolienne et panneaux solaires, eh bien, Monsieur Piechazik, le patron de RTE, a expliqué dans la presse financière qu'il allait falloir investir 100 milliards d'euros dans ce réseau. Et ça va avoir un impact sur le TURP, sur la taxe de raccordement. Enedis a annoncé de la même manière devoir investir 100 milliards d'euros dans les années à venir. Donc, c'est 200 milliards d'euros pour les réseaux et la distribution. Donc, rien que ça, ça devrait inquiéter nos concitoyens parce que ça va avoir des impacts absolument considérables. Rappelons que la distribution et le transport de l'électricité ne rapportent rien. C'est un coût, ce n'est pas de la production. Donc si on investit 50 milliards d'euros dans une centrale nucléaire, ce n'est pas la même chose que d'investir 50 milliards d'euros dans le transport. Parce que derrière la centrale nucléaire, elle rapporte et elle rapporte beaucoup. Alors, rappelons qu'un réacteur nucléaire, ce n'est pas 50 milliards d'euros. Avec 50 milliards d'euros, on peut en faire 6 ou 7, hein, vous voyez. Donc, la facture d'électricité, vous voyez, c'est un peu complexe, mais n'est pas due à Vladimir Poutine, et encore moins aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est là où je déplore ce qui se passe, parce que Bruno Le Maire, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la petite politique politicienne de court terme, comme je le dénonce depuis des années, sur un sujet essentiel qui est notre souveraineté énergétique et notre politique énergétique. Et c'est là où moi je le déplore, et je l'ai écrit dans mes livres. Tout ce qui se passe là, je l'ai écrit dans Nucléaire, les vérités cachées. Il y a un chapitre, baisse du nucléaire égale augmentation des factures et des coupures. Heureusement, il y a eu une pression forte sur EDF, donc ça, ils travaillent bien. Et maintenant, ben, on a une augmentation des factures. Et cette facture, malheureusement, elle est inéluctable tant que l'on continuera le « en même temps » électricité intermittente, éolienne et panneaux solaires et nucléaire. Parce que derrière, ces énergies intermittentes plombent, sont le caillou dans la chaussure de notre système électrique. Et c'est pour ça qu'on vous invite, Fabien Bouglé, parce que vous arrivez à véritablement vulgariser ce sujet qui n'est pas facile, pas toujours facile à comprendre. Mais il y a aussi ce problème, donc on l'a dit, l'électricité est liée au prix du gaz, mais aussi parce qu'on fait partie du marché européen de l'électricité. Donc si on n'en faisait pas partie, finalement, l'électricité nous coûterait très peu cher parce que, je le rappelle, on produit donc l'électricité la moins chère d'Europe. Alors, à ceci s'ajoute, et vous avez raison, Corentin, de le rajouter, deux autres variables. Le problème du marché européen de l'électricité, c'est que, en réalité, nous sommes basés sur le nucléaire, dont le mode de production est le moins cher, c'est-à-dire le coût de production du nucléaire est le moins cher. Par contre, les Allemands, comme ils n'ont plus le gaz de Poutine, ils sont obligés d'utiliser le charbon. Et donc, en fait, en réalité, en étant dans le marché européen de l'électricité, les Allemands qui contestent notre nucléaire font tout pour l'acheter. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent pour importer notre électricité nucléaire quand le prix n'est pas cher, et ça leur évite d'utiliser des centrales au charbon. Et donc, en fait, de ce fait, notre électricité la moins chère en Europe, grâce au plan Messmer de 1974, bénéficie aux Allemands qui, eux, utilisent des centrales au charbon. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent surtout pas que la France quitte le marché européen de l'électricité, comme l'Espagne ou le Portugal par ailleurs. Et ce marché européen de l'électricité a obligé la France de s'insérer dans le marché concurrentiel, ce qui a conduit la France à devoir faire une loi absurde, complètement incroyable, qui est l'AREN, l'accès régulé au nucléaire historique, qui oblige EDF à vendre à des courtiers, je dis bien, ce ne sont pas des fournisseurs, c'est un bureau avec un directeur de communication et un téléphone qui vendent l'électricité d'EDF en prenant la marge d'EDF. Ce sont des rapaces. C'est-à-dire qu'on a créé une loi rapace qui oblige EDF à vendre 25 à 30% de son électricité à prix cassé et permettre à des concurrents qui ne sont pas des concurrents, mais des courtiers, de le vendre avec la marge bénéficiaire d'EDF. Eh bien ça plombe les coûts d'EDF et ça contribue à l'augmentation de la facture d'électricité. Parce que vous comprenez, EDF, jusqu'en fin 2025, est obligé de vendre 42 euros le mégawattheure, 25 à 30% de sa production électrique, quand elle est de l'autre côté obligée d'acheter à prix subventionné 91 euros le mégawattheure, l'électricité qui vient des exploitants éoliens, dont 45% sont allemands. Donc, tout ça cumulé fait que EDF, qui appartient à la France, eh bien, est plombé et ne permet pas de faire bénéficier à ses concitoyens d'un tarif électrique avantageux, au détriment des Français et surtout des entreprises et de nos agriculteurs. Oui. C'est-à-dire que c'est là où c'est très, très grave. C'est que le deuxième effet de cette facture d'électricité a des conséquences terribles sur l'économie française parce qu'elle plombe la compétitivité de nos industries et de nos entreprises et elle plombe le coût de revient de nos agriculteurs. Je l'ai écrit, ça, c'est pas pour revenir sur mes livres, mais je l'ai écrit dans mon chapitre 1 de mon livre « Guerre de l'énergie », l'importance qu'a la facture d'électricité et la facture énergétique de manière générale pour le confort des concitoyens, mais surtout pour la compétitivité. Et en fait, cette compétitivité amoindrie, elle bénéficie aux États-Unis qui n'ont qu'une envie, et ils le font avec l'Allemagne, c'est de mettre un caillou dans la chaussure en nous obligeant de mettre des éoliennes intermittentes couplées avec le gaz naturel liquéfié américain. Ce couple infernal des intermittents avec le gaz américain nous conduisant à un appauvrissement de notre société. En fait, il faut bien quand même le dire, c'est qu'à chaque fois qu'un citoyen voit une éolienne tourner, en réalité, il a un billet de 10 euros qui disparaît dans sa poche. Ouais. C'est ça qui se passe en réalité. C'est une sorte de ventilateur à aspiration d'argent des Français, ces éoliennes, hein, ces panneaux solaires. Ce sont des pompes à argent. Et c'est terrible parce que ça a une influence globale considérable. Et la France est évidemment le dindon de la farce dans cette affaire. Et la France est dindon de la farce alors qu'elle pourrait être le champion Exactement. Du monde de l'électricité grâce à son nucléaire. Et en 1973 et 1974, il faut le rappeler, nous avions mis en place le plan Messmer, donc qui est ce plan du Premier ministre de développement des réacteurs nucléaires, pour justement se sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Et ça a marché, puisque 80% de notre électricité est aujourd'hui ne dépend plus du gaz, du pétrole ou du charbon. Et donc, il faut revenir aux fondamentaux. Et ça marchait très bien pendant 30 ans, jusqu'au moment où les écolos, les rouges et les écologistes ont imposé à EDF à acheter l'électricité subventionnée, où l'idéologie l'emporte sur la raison. Exactement. Aujourd'hui, nous devons absolument revenir à la raison dans le domaine de la politique énergétique. Et malheureusement, Bruno Le Maire a montré l'autre jour, parce qu'il a fait une autre déclaration importante, il a dit, en sortant d'une centrale nucléaire, « Je crois aux énergies renouvelables ». Donc évidemment, voilà. Si les énergies renouvelables, éoliennes et panneaux solaires sont une croyance, une religion, eh bien, on est mal parti. Eh bien, il faut qu'il vous écoute, Bruno Le Maire, et qu'il prenne conseil chez vous. Je ne désespère pas, nous essayons de le convaincre. Mais malheureusement, il a eu l'ordre du mérite allemand. Il a reçu l'ordre du mérite allemand il y a un an. Et je crains malheureusement que le lobby allemand qui avait été amoindri avec Agnès Pannier-Runacher, qui a fait un formidable travail, soit à la manœuvre pour empêcher le développement de l'alliance du nucléaire. Et j'ai une grande inquiétude sur l'avenir de la politique énergétique, notamment dans la liaison avec le diktat allemand anti-nucléaire. Et on invite évidemment nos auditeurs à lire « Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial » aux éditions du Rocher. Vous en parlez plus largement. Merci à vous, Fabien Bouclet. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique. Et malheureusement ou heureusement, je pense qu'on va être amené à vous réinviter parce qu'on n'en a pas fini d'en parler l'énergie. Merci à vous et à très vite. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Corentin Périgny. Il est 7h52 pour notre vidéo à 8h35. Chers auditeurs, nous parlerons du dernier livre de Marc Obregon, le tome 1 d'Omega Town aux éditions du Verbe Haut. Mais tout de suite, on parle au Parlement européen, on parle de la transparence de la Commission européenne sur les contrats d'achat des vaccins avec le docteur Louis Fouché, Christine Coton et les Goguettes qui nous chantent Elle est Pfizer, une chanson, une parodie, une chanson de Pierre Bachelet, elle est d'ailleurs. Elle a au fond des yeux cette lueur qui lui donne un air supérieur, cette rougeur en haut du bras en souvenir d'un sparadrap. Elle a un truc, y a pas d'erreur. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Je la vois chaque jour se promener. Vous avez reconnu l'air de la chanson de Pierre Bachelet. Elle est d'ailleurs, ben non, c'est les Goguettes, un groupe de talent qui fait des parodies. Et là, c'est Elle est Pfizer. On va parler de Pfizer, des vaccins et des contrats de vaccins du Parlement européen avec le docteur Louis Fouché et Christine Coton. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Alors, vous vous souvenez, chers auditeurs, c'était le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé avait qualifié l'épidémie Covid-19 de pandémie. Alors aussitôt, le Conseil européen et la Commission européenne ont présenté leur feuille de route commune pour limiter sa propagation. Et l'Union européenne a mis l'accent sur l'importance, je cite, de la mise au point d'un vaccin sûr et efficace comme mesure vitale pour contribuer à mettre un terme à cette crise sanitaire. Alors, la Commission européenne publie sa stratégie liée au vaccin, c'est en juin 2020. Elle promeut une approche centralisée des marchés au niveau européen pour assurer, toujours, je cite, une protection suffisante de vaccins dans l'UE et donc un approvisionnement suffisant des États membres, mais aussi d'adopter le cadre réglementaire de l'UE à l'urgence actuelle et mettre au profit la souplesse réglementaire existante. Voilà, on va revenir sur la souplesse réglementaire existante. Alors, l'acquisition de vaccins contre le Covid est donc lancée. Entre août 2020 et novembre 2022, la Commission européenne signe 11 contrats au nom des États membres. La note s'élève à 71 milliards d'euros pour acheter jusqu'à 4,6 milliards de doses, et ce, auprès de 8 fabricants d'injections. C'est donc une somme considérable d'argent public allouée à ces contrats, mais de cette affaire, la transparence est au rang absent. 5 eurodéputés du groupe Vert ont porté plainte contre la Commission européenne, qui refuse alors de rendre public ces contrats de vaccins Covid. Pourquoi une telle opacité? Comment expliquer une rétention d'informations pour les citoyens des pays membres et leurs élus? Pour en parler ce matin, nous sommes avec le docteur Louis Fouché. Bonjour, docteur Louis Fouché. Bonjour, vous allez bien? Merci beaucoup de me recevoir. Juste, je précise au passage que je n'ai pas de conflit d'intérêt dans l'histoire des vaccins avec aucune firme pharmaceutique, aucune firme assurantielle ou du numérique, et que je parle en mon nom propre et absolument pas pour les institutions qui m'emploient. Alors, merci. Mais je n'en doutais pas, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous invite, docteur Louis Fouché. Alors, je rappelle juste, c'est une règle non inscrite, mais on ne peut pas dire le nom qui commence par V et qui finit par 1 parce que c'est proscrit sur YouTube. Il faut mieux dire injection, je vous invite à être vigilant, mais je vous fais confiance. Je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste, réanimateur et auteur de ce livre Tous résistants dans l'âme, c'est aux éditions Trédanienne, et nous sommes avec Christine Coton. Bonjour Christine Coton. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour Louis. Alors, vous êtes biostatisticienne et puis vous êtes auteur notamment de... Alors là, ça va être compliqué de ne pas dire le mot, mais tous injectés, tous protégés. Injection Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée aux éditions Trédanienne aussi. On vous avait aussi invité pour ce livre. Alors, je voulais revenir sur la Commission européenne, on l'a dit, qui refuse de rendre public les contrats qu'elle a signés pour ses vaccins contre le Covid, contre Covid-19. Quels étaient, Louis Fouché, à ce moment-là, l'enjeu de tels contrats? Quelles sont les informations qu'on dispose sur ces contrats aujourd'hui? D'abord, merci de revenir un peu sur l'histoire de ces injections, effectivement. Et puis, j'espère qu'on parlera aussi des victimes d'effets secondaires. Christine en parle dans son livre et je pense que c'est un sujet très important aujourd'hui parce qu'il y a de très nombreuses associations de victimes. Et je crois que le gros scoop de la semaine dernière, s'il devait y en avoir qu'un seul, c'était le fait que toutes ces associations allaient manifester devant l'AFP, justement pour que les médias commencent à parler un petit peu de leur souffrance et du fait que, pour le moment, tout le monde s'en fout. On est face à un déni collectif absolument hallucinant et de formation de masse, que ce soit Verity, Où est mon cycle, les Désenfantés, les cœurs vaillants, à Victime, tous les autres que j'oublie et dont je m'excuse au passage. Mais tous ces gens, pour le moment, ne sont pas pris en charge, alors même que dans d'autres pays, il y a une reconnaissance de ces effets secondaires liés aux injections expérimentales. Je fais un deuxième point, c'est que vous avez tout à fait raison au niveau sémantique. Il ne s'agit pas du tout de parler de technique habituelle d'immunisation. On est sur une technologie très différente et qui n'a pu voir le jour, au fond, que parce que... il n'y avait pas de traitement officiellement pour l'épidémie de Covid-19. Toutes les AMM conditionnelles qui ont été faites auprès de ces 8 firmes dont vous parlez avec l'Agence du médicament et avec la Commission européenne sont liées au fait qu'il n'y avait pas de traitement. Et donc vous comprenez mieux ce qu'on a appelé et qui conviendra d'appeler dans l'histoire, dans le futur, l'affaire de l'hydroxychloroquine, l'affaire de l'ivermectine, etc., qui sont en fait des moments de production de faux savoirs, de fausses sciences, qu'on appelle l'agnatologie, qui avait été bien mis en évidence dans l'histoire du tabac par quelqu'un qui s'appelle Robert Proctor, qui est un historien, et qui a montré à quel point les firmes pharmaceutiques étaient capables d'injecter de la science frelatée, frauduleuse, dans le débat public et dans le champ du savoir. Alors ces contrats de l'Union européenne, Michel Rivasi, vous l'avez dit, qui est décédé aujourd'hui, a fait un énorme travail, et moi j'ai vraiment envie de lui rendre hommage. Il y a aussi Virginie Joron, et vous voyez que ça dépasse la question des clivages politiciens et des différents partis. C'est lié à des vraiment une préoccupation citoyenne. Est-ce qu'on est en démocratie sanitaire ou est-ce qu'on ne l'est pas, et que des contrats milliards peuvent être passés finalement par des SMS dans un coin, par quelques personnes non élues? Je crois qu'il ne faut pas laisser faire ça, effectivement. Par ailleurs, ces contrats, ils étaient liés à des AMM conditionnels, c'est-à-dire qu'ils chintaient un certain nombre de barrières réglementaires et de sécurité très importantes pour permettre à des médicaments sûrs et efficaces d'être mis sur le marché. Et Christine a fait un énorme travail justement sur les insuffisances méthodologiques des essais Princeps qu'elle a très très bien synthétisé et qui nous montre qu'au fond, il y a de très nombreux manquements, voire fraudes, dans la mise en place de ces essais principaux qui ont permis les mises sur le marché conditionnelles. Ça a été mis en évidence aussi par Peter Doshi dans le British Medical Journal, notamment autour d'un scandale qu'on a appelé le Ventavia Gate. Voilà. Cette idée des contrats est un tout petit morceau de l'ensemble de gigantesques scandales sanitaires face auxquels on est et qui, pour le moment, butent sur un mur assourdissement de déni collectif, notamment dans la sphère médicale. Eh ben, on va en parler tout de suite avec Christine Coton, enfin tout de suite, juste après le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner, car il est 8h. La fille d'Alexandra, l'agricultrice tuée à Pamiers dans l'Ariège, est décédée hier soir des suites de ses blessures. Elles ont été fauchées par une voiture qui avait foncé sur un barrage fait par les agriculteurs. Les trois passagers du véhicule étaient sous OQTF. Et puis la rocade de Bordeaux, tout comme l'autoroute aux abords de Lyon, seront totalement bloquées aujourd'hui. Et puis l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a annoncé que 142 500 personnes ont demandé l'asile à la France en 2023. Ces demandes ont augmenté de 8,6% en un an. L'Afghanistan reste pour la sixième année consécutive le premier pays de provenance de ces demandes d'asile. Et puis à moins d'un an des élections présidentielles américaines, Donald Trump a remporté hier la primaire du New Hampshire face à son adversaire républicaine Nikki Haley avec 54% des voix. Et du côté du sport, la Coupe du monde de ski se poursuit. Hier, le Suisse Marco Odermatt a signé une cinquième victoire en géant cette saison. Thibaut Favreau, le premier français dans la course, est 12e du classement. Et les températures se sont définitivement radoucies cette semaine. Oui, et le soleil s'impose du bassin aquitain au sud des Alpes et à la Méditerranée avec des températures proches des records de douceur pour la saison. Le ciel reste bien chargé au nord de la Loire avec un risque de pluie. Côté température, nous avons ce matin 8 degrés à Biarritz, 9 à Lille, 12 à Paris. Et dans l'après-midi, nous aurons jusqu'à 13 degrés dans le centre, 14 en région parisienne et 20 en Nouvelle-Aquitaine. Et nous fêtons aujourd'hui Saint-François de Sales, Sainte-Xénia et Saint-Macédone. Merci Adèle. Et tout de suite, nous continuons notre table ronde sur le Parlement européen avec le docteur Louis Fouché et Christine Coton. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Alors je rappelle, on parle du Parlement européen, de ses députés, donc LR et ses députés de la Macronie, qui ont refusé de voter pour plus de transparence de la Commission européenne sur les contrats d'achat de vaccins. On a eu l'avis du docteur Louis Fouché. Christine Coton, je me tourne vers vous sur ces contrats. Pourquoi il y a un manque de transparence? Ah ben je vais vous le dire, c'est extrêmement simple. C'est que si on récupère le contrat de la Commission européenne, on va pouvoir s'en servir pour faire des procédures judiciaires. Donc à ce jour, on a récupéré le contrat Afrique du Sud. Dedans, on avait une information qui pour moi est capitale, enfin on en avait plusieurs, mais on avait quand même écrit dans ce contrat Afrique du Sud, nonobstant les efforts et les dates prévues dans le calendrier de livraison provisoire, les parties reconnaissent que le produit a terminé les essais cliniques de la phase 2-3. Donc ça, c'est déjà complètement faux. C'est-à-dire qu'au moment où l'Afrique du Sud signe ce contrat, les essais cliniques ne sont pas du tout terminés. Donc le contrat européen, on l'a eu, puisqu'il a fuité. Donc on sait à peu près ce qu'il y a dedans, et on sait qu'on a la même chose que l'Afrique du Sud. Donc ces braves gens disaient aux signataires du contrat, bon, ben vous met au courant quand même que l'injection ayant été développée dans l'urgence, la sécurité à long terme est inconnue, qu'il peut y avoir donc des effets indésirables, etc. Donc moi mon travail, il a consisté à reprendre tous les rapports cliniques, les plans de gestion des risques et tous les documents qu'on pouvait avoir. Et c'est une démonstration méthodologique, hein, ce n'est pas un avis, Parce que depuis un certain temps, on a réussi à faire croire que des gens qui étaient ultra qualifiés dans un domaine, ils avaient des avis. Non, ils n'ont pas d'avis. Ils font des expertises. Ceux qui ont des avis, c'est ceux qui n'y comprennent rien. Donc, ces expertises, je ne suis pas la seule à en avoir sur le sujet, notamment de la méthodologie pure et dure, on va dire, Amin Umlil, le pharmacien qui a été, largement ennuyé, puisqu'il a perdu jusqu'à son travail, avait fait un travail aussi en termes réglementaires, méthodaux. Donc, si on récupère ces contrats, ben, on va pouvoir, du coup, largement documenter la prise de risque. Et dans la démonstration que j'en ai faite, dès l'instant où ces essais cliniques ne suivent pas ce qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques, et à ce jour, donc ça va faire 2 ans, hein, puisque mon premier rapport il est sorti en janvier 2022, personne n'a réussi à écrire plus de 3 lignes, ne contenant pas soit une insulte, soit une idiotie. Donc de toute façon, ce rapport ne sera jamais contredit. Donc, c'est-à-dire qu'en termes juridiques, le laboratoire ne peut pas prouver qu'il respecte les bonnes pratiques cliniques. À ce moment-là, est-ce que les contrats restent valides ? Oui. Moi, pour moi, dès l'instant où il y a preuve de malversation ou fraude, les contrats, c'est terminé. Donc ça veut dire quoi en termes juridiques aussi, si les contrats sont caduques ? Ça veut dire que toutes les couvertures qu'ont pu pouvoir les laboratoires de ne pas indemniser les victimes, ben ça, c'est fini, hein. Ça tombe. Donc, on avait fait une première plainte pour empoisonnement en mai 2022, qui a été classée, qui est partie en appel, finalement, elle a été définitivement enterrée. Mais bon, ce n'est pas parce que celle-là a été enterrée qu'on ne va pas en faire d'autres, hein, que ces gens se le disent bien. Parce que moi, mon travail, évidemment, il n'a qu'un seul but, c'est d'arriver à faire indemniser, enfin reconnaître dans un premier temps ces victimes, dont je crois que dans mon livre, j'en ai 24 qui témoignent, les faire prendre en charge, parce qu'effectivement, il y a une errance médicale pour certaines depuis plusieurs années, hein, et certaines plus de 2 ans, qui sont dans des états lamentables. On a des encéphalomyélites myalgiques, qui sont très invalidantes. On a une apparition de maladie de Charcot. On a des tas de choses qui étaient plus ou moins prévues et qu'on savait finalement depuis très longtemps. Et tous ces risques qui ont été soigneusement cachés au public pour évidemment qu'ils courent se faire vacciner avec un produit absolument pas sûr au moment où on le dit et encore moins efficace. Et puis on va en reparler notamment de Creutzfeldt-Jacob, de ses injections, vraiment le professeur Raoult lui-même l'a évoqué. Et je voulais revenir sur ce contrat parce que c'est un rapport de la Cour des comptes européenne, c'était en 2022, qui souligne que ces contrats ils furent signés avant même que les laboratoires n'aient reçu le feu vert de l'Agence européenne des médicaments, donc sur l'autorisation de la mise en place de ce vaccin sur le marché. Donc Louis Fouché, on peut penser qu'il y a un moment... que l'injection soit efficace ou non, finalement, on a acheté des doses, il faut les écouler, et donc on fait en sorte, on mène une politique pour faire en sorte que les gens soient injectés. Oui, tout à fait. En fait, la politique devient un outil au service du bras marketing, en gros, des laboratoires pharmaceutiques, devient le prolongement du bras marketing des laboratoires pharmaceutiques avec des obligations et l'apparition d'une sorte de biopouvoir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une société de surveillance et le biopouvoir, vous pouvez lire Canguilhem et Foucault, mais vous pouvez aussi lire juste Van Damme, celui qui a fait 13, tout le monde connaît la BD 13, et qui a fait un truc qui s'appelle SOS Bonheur, et qui montre très bien ce que c'est qu'une société où on commence à substituer au contrat social un contrat sanitaire. C'est ce qui s'est passé. On a enlevé le boulot aux gens s'ils n'étaient pas vaccinés. Ça, c'est la substitution du contrat social et du contrat de travail par un contrat sanitaire. Ça n'est pas tolérable en démocratie. Cela dit, ce que vous soulignez sur les contrats, en gros, est la prise de conscience collective du rôle de l'Union européenne dans l'ensemble de ces marchés. C'est vrai pour les vaccins, mais c'est vrai pour tout le reste. C'est-à-dire que l'Union européenne est devenue, en gros, un guichet unique pour les multinationales pour réussir à imposer des choses qui sont normalement complètement hallucinantes aux entités nationales. Donc là, on a un vrai problème avec l'Union européenne et c'est très intéressant que ce scandale se fasse jour avant les élections européennes, parce que peut-être ça fera réfléchir les gens une bonne fois sur quels sont les représentants qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent plutôt des Michel Rivasi et des Virginie Joron et une réforme de leurs institutions européennes, ou est-ce qu'ils veulent continuer comme ça à se faire faire tondre la laine sur le dos et refiler des doses de vaccins qui, une fois qu'ils sont non écoulables, sont envoyés gentiment en Afrique parce que les pauvres Africains ont besoin de nos doses refoulées. Je rappelle que en Suisse, AstraZeneca a été refusé. Il n'a jamais été utilisé parce qu'il n'y a jamais eu de réponse d'AstraZeneca à un certain nombre de manquements méthodologiques qui avaient été soulignés par l'Agence suisse du médicament. Voilà, donc on a un gros problème institutionnel de fond et cette histoire vient le souligner. Bon, c'est pas nouveau, hein, la corruption au sein de la Commission européenne n'est pas quelque chose qu'on découvre avec le Covid. Oui, surtout que les chiffres sont impressionnants, Christine Coton, je l'ai dit tout à l'heure, donc la note s'élève à 71 milliards d'euros pour acheter jusqu'à 4,6 milliards de doses. Et puis, une dose est d'environ 15 euros, chiffre obtenu à partir de doses effectivement commandées. Alors, il y a un enrichissement aussi de l'industrie pharmaceutique à ce moment-là, qui passe, ce que vous avez dit, outre donc tous les essais pharmaceutique, enfin, tous les essais méthodologiques. Alors si, ben, ça c'est un point important. Pourquoi au départ on a commandé autant de doses? Ben, parce qu'on sait très bien depuis le début que deux doses ne suffiront pas. Et on le sait. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas mesuré les fameux anticorps dans le temps, enfin trop loin dans le temps, pour ne pas montrer qu'ils chutent. Donc au départ, ce qui moi me paraissait être de graves manquements et biais méthodologiques, ça commence à se transformer à ce qui ressemble de plus en plus à une vaste fraude. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le produit qui a été administré, le produit Pfizer administré en vie réelle, n'est pas du tout celui de l'essai clinique. Donc, quand on vous a dit, brave Jean, 95% d'efficacité, deux doses, et vous retrouverez la vie normale, le produit qu'a reçu la population, ce n'est pas celui qui a eu 95%. Mmh. C'est-à-dire qu'en octobre 2020, on est dans l'essai clinique, c'est-à-dire on a recruté des participants, hein, on les a suivis pendant X mois, et là on s'aperçoit pour fabriquer ce produit-là pour des milliards de gens, ça va être extrêmement compliqué. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que fait Pfizer BioNTech? Il change la chaîne de production et il change le contenu. Et ils nous écrivent dans le protocole de l'essai clinique, donc un document Pfizer, c'est-à-dire que là, tout ce que je vous raconte, ce sont des éléments que j'ai trouvés dans des contrats, dans des documents du laboratoire, que ce soit les rapports cliniques, que ce soit les plans de gestion des risques, les résumés des caractéristiques produits, ce sont des documents officiels, hein, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand on vous annonce dans le protocole, ils écrivent qu'on va tester 250 participants par lot, auquel on va donner ce nouveau procédé, et on ne va pas tester l'efficacité sur ces gens-là. C'est-à-dire que vos 95%, on n'a aucun résultat sur ce nouveau procédé. Et c'est bien celui-là qui a été autorisé par toutes les agences du monde. Hein. L'Agence européenne du médicament, l'EMA, avait émis quelques remarques en disant que le taux d'ARN intègre n'était pas le même que celui de l'essai clinique. Mais finalement, à la suite de réponses du laboratoire, tout s'est réglé parfaitement et ils ont pu autoriser en décembre donc 2020 ce produit pour lequel on n'a strictement aucun résultat d'efficacité. Alors déjà, pour le efficace, on repassera. Hein. C'est-à-dire que ça, pour la première fois dans l'industrie pharma, enfin moi qui travaille depuis 1995 pour ces gens, donc pour la première fois, la population est vraiment cobaye. Pour le coup, normalement, le terme cobaye, ça n'existe pas dans l'industrie pharmaceutique, puisque les patients, les participants, quand ils participent aux essais, signent un consentement libre et éclairé. C'est un document qui fait partie des documents de l'étude. Et personne ne participe sans avoir signé ça. Et évidemment, pour signer ça, il faut être en pleine possession de ses moyens intellectuels. Hein. Et pour les enfants, ce sont les deux parents qui signent. Donc, pour la première fois, on a administré massivement un produit pour lequel on n'a strictement aucun résultat d'efficacité et pour lequel ces fameux résultats de dosage d'anticorps et de tolérance, qui devaient donc être comparés au process numéro 1, procédé de fabrication 1, on ne les a jamais vus. Donc, vous voyez que, c'est comment les agences de santé ont pu permettre à ce produit d'être vendu, administré à tout type de population, parce qu'on a autorisé d'abord sur les plus de 16 ans, on a autorisé sur les 12-15, sur les 5-11, et puis ensuite sur les bébés. Bébés à partir de 6 mois. Bon, donc comment les agences de santé ont pu autoriser ce produit avec tous les manquements des essais, les études qui étaient manquantes, parce qu'on a appris depuis, et ça c'est un travail exceptionnel d'Hélène Banoun, qui a écrit un article fantastique sur la réglementation des thérapies géniques. On sait, dans des informations de bourse de Moderna, que pour la FDA, donc organisme américain qui approuve les produits, on sait qu'ils sont considérés comme étant des thérapies géniques. Et ils ont été classés, on va dire, administrativement vaccins, pour ouais. En permettre un développement accéléré. Donc, autrement dit, on a bâclé les études précliniques, on a bâclé l'essai clinique, tout ça sous prétexte d'une pseudo-urgence qui finalement concernait, on va dire, extrêmement peu de gens, puisqu'on savait qu'au niveau mortalité, c'était essentiellement les personnes âgées qui décédaient et les personnes avec des comorbidités. Mmh. Et sûrement pas des jeunes, sûrement pas des enfants ni des bébés. Mmh. Qui, eux, ont subi, pour le coup, des effets secondaires. Je rappelle qu'avant, l'UE mettait entre 10 à 15 ans pour développer un vaccin. Et là, ça a mis 12 mois, même pas un an. Ce n'est pas l'UE qui développe les vaccins. Oui, les produits. C'est chaque laboratoire qui fait ses essais cliniques, qui soumet son dossier à l'issue de l'essai qu'on appelle pivotal, c'est-à-dire la phase 3. Et ce sont les agences qui peuvent dire on accepte ou on n'accepte pas. Alors, donc moi, en l'état, si j'avais été reviewer dans la team de gens qui ont relu ce doc, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ils partaient tous avec des demandes complémentaires, un suivi supplémentaire, etc. C'est-à-dire que c'est une prise de risque sans précédent pour la population. Alors, et quand on prend des risques, on a des dommages collatéraux, et ces dommages, aujourd'hui, ce sont des victimes. Alors Louis Fouché, je vous vois acquiescer depuis tout à l'heure. Bah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que souligne Christine et je pense que un des objectifs stratégiques à court terme, c'est le retrait du marché de ces produits et un moratoire sur la recherche sur les ARN et la distribution d'ARN aux humains et aussi aux animaux. Et ça, c'est extrêmement urgent de l'obtenir parce que il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées, il n'y a pas besoin d'aller travailler même ce dont on va parler sur les histoires de Creutzfeldt-Jacobs, etc. Il y a déjà tellement de manquements que ces médicaments sont nuls et non avenus. Ils ne doivent pas être sur le marché, ne serait-ce que pour cette histoire de process 2 et de process 1. Dont vient de parler Christine, et qui ont permis de mettre en évidence, notamment grâce à l'équipe de Kevin McKernan, le fait que dans les fioles des injections faites avec le process 2, il y a des très grandes quantités d'ADN, ce qui n'est pas attendu. Normalement, l'ADN devrait constituer 0,0030% de l'ensemble du matériel génétique de ces injections. En l'occurrence, ça monte jusqu'à 30% du matériel génétique. Or, cet ADN pose énormément de problèmes, puisqu'il est pro-oncogène. Et oncogène, qui est l'inhibe P53, qui a plein d'effets, notamment carcinologiques. Et cet ADN est problématique aussi parce qu'il est plasmidique, c'est-à-dire qu'il est sous la forme d'un rond et que potentiellement il peut se reproduire dans nos bactéries, notre bactérie de nos microbiotes, puisque c'est la façon dont on reproduit cet ADN. Et enfin, il est porteur du promoteur du gène SV40 et ça, c'est pas du tout attendu du tout. Ça n'est pas déclaré dans les caractéristiques produits et donc le produit doit être retiré du marché, il n'est pas conforme. Enfin, il y a plein de problèmes qui sont liés à la fois aux ARN modifiés, à spike modifiés, aux nanoparticules lipidiques qui n'avaient jamais été utilisées chez l'homme, à la présence d'ARN tronqué, à la présence d'ADN linéaire, d'ADN plasmidique, de promoteurs de SV40. Et maintenant, effectivement, comme vous l'avez souligné, le fait qu'on sait qu'il y a aussi des décalages du cadre de lecture. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on traduit un ARN en protéine, on traduit l'ARN en spike. Et il y a une majuscule et un point. En gros, un codon start, un codon stop. Mais on peut décaler ce cadre de lecture et se mettre à lire à partir d'une autre majuscule et jusqu'à un autre point. Et ne pas traduire spike, mais traduire, par exemple, pry. Try ou cry ou dry, ce sera plus spike. Et il se trouve qu'effectivement, il y a des protéines anormales qui sont traduites par changement du cadre de lecture de ces ARN par le ribosome. Et ces protéines qui sont traduites ont des effets biologiques. Elles ne sont pas simplement des déchets, elles ont des effets biologiques. Et un de ces effets biologiques, ça a été démontré dans déjà plusieurs articles, au moins trois, sont le dévoilement de sites prions sur la spike, c'est-à-dire la possibilité d'un repliement anormal de la spike qui va donner du prion. Le prion, vous avez les auditeurs connaissent ce mot pour la maladie de Creutzfeldt-Jacobs, qui est une maladie neurologique dégénérative. Effectivement, il y a ensuite une accumulation. Maladie de la vache folle. La vache folle, voilà. Plus connue sous ce nom-là. de dépôts amyloïdes qui vont venir abîmer le cerveau. Et ça, c'est lié à ce décalage du cadre de lecture. Et il se trouve que ça a été avéré pour certaines victimes d'effets secondaires, chez qui on retrouve des maladies de la vache folle, de Creutzfeldt-Jakob, notamment l'épouse de Marc Doyer, de Verity France, où son cas a été avéré. Enfin, alors on va dire, mais oui, mais c'est un hasard. Oui, c'est un hasard si aujourd'hui, on a 10 fois plus de Creutzfeldt-Jakob en 2 ans qu'en 10 ans. C'est-à-dire qu'on a augmenté d'un facteur 10, quoi, d'un ordre de grandeur entier. On peut dire que c'est un hasard. Effectivement, parmi ces gens qui ont fait des Creutzfeldt-Jakob, certains travaillent dans la recherche sur les prions et on peut se dire, bon, bah, peut-être que ça n'a rien à voir avec les histoires d'injection. Fort possible. Néanmoins, dans ce cas-là, on commandite une recherche, on commandite une investigation. Quand des choses sont anormales dans le moindre fromage à pâte crue et que vous vous retrouvez avec une infection alimentaire, on ferme l'entreprise, on rappelle l'ensemble du lot, etc. Et on fait chier l'entrepreneur sur son fromage. Et là, vous vous retrouvez avec des injections expérimentales de type injection génique expérimentale où tout passe comme une lettre à la poste. Ça va pas. Évidemment, il faut retirer du marché ces produits et commanditer des enquêtes. Alors, Christine Alors, moi, Coton, j'ai là-dessus. J'ai quelque chose sachant... à rajouter. Pardon, allez-y. Sur le Creutzfeldt-Jakob. Voilà, bah justement, je voulais juste rappeler que le professeur Raoult, lui aussi, a évoqué un lien entre l'injection et les maladies de type Creutzfeldt-Jakob. Et c'est ce que disait aussi le professeur Montagnier avant de décéder. C'est de ça dont j'allais parler. Et voilà, ben... c'est-à-dire qu'en en 2023, je crois, hein, on a eu, début 2023, il y a eu un article qui est sorti. Janvier 2023, qui était donc un article du professeur Montagnier, de Jean-Claude Pérez, éminemment chercheur, et du docteur Claire Mouret-Chalmin, donc neurologue. Cet article, ça a été un parcours du combattant pour le faire publier, puisqu'ils ont mis plus d'un an, et le titre, c'était « Émergence d'une nouvelle maladie de Creutzfeldt-Jakob », et il y avait un examen de 26 cas, dont 23 se trouvaient en France. Et donc, il y avait un historique dans cet article où il nous disait, alors je crois que je me suis noté quelque part, qu'entre 92 et 2019, on avait eu 28 cas de Creutzfeldt-Jakob, dont effectivement en 2019-2021, 2 décès qui étaient dus, qui étaient chez des gens qui travaillaient dans des domaines où ils étaient en laboratoire et qui pouvaient être en contact avec le prion. Donc, dans cet article, ils examinaient ces 26 cas, dont le cas de Morissette Doyer, que le professeur Montagnier d'ailleurs a tenté de soigner pendant des mois, et c'est celle qui a vécu le plus longtemps. Et donc il y avait une apparition vraiment extrêmement rapide de la maladie, et pour en moyenne, on va dire, dans les 14 jours après une injection. Donc alors 26 cas, évidemment, statistiquement ça nous fait pas beaucoup, mais par rapport au nombre de personnes qui avait été atteinte par la maladie, c'est énorme. Et surtout, donc, cette apparition extrêmement rapide, le problème qu'on a avec ça, c'est que du coup, quand ces gens déclarent à la pharmacovigilance, donc là où il faut déclarer vos effets indésirables, hein, donc je rappelle à tous que quand votre docteur, vous avez un effet indésirable, une pathologie apparue après la vaccination, il vous faut déclarer absolument, puisque c'est ce qu'on utilise pour calculer les signaux de sécurité. On peut déclarer tout seul, on n'a pas besoin du docteur qui nous dit oui. Si le docteur vous dit c'est pas lié, on s'en fiche complètement de son avis, on ne lui a pas demandé. Donc il faut absolument déclarer pour calculer donc, la masse de gens atteints de telle ou telle pathologie. Donc le professeur Montagnier avait déjà identifié, alors lui c'était un petit peu un autre angle, hein, puisqu'il disait dans leur observation, avait mené à des conclusions comme quoi le virus de Wuhan avait été trafiqué et qu'on avait rajouté la malaria et le VIH. Donc c'était un peu différent de ce qui sort aujourd'hui. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas mon domaine, si d'autres équipes dans le monde ont validé ces travaux. Bon, malheureusement, le pauvre n'est plus là pour continuer ses recherches, hein, même s'il était... Donc on l'a fait passer pour un vieux fou, un charlatan, bon, évidemment, le déroulé mis en place par une meute qui harcèle et qui veut absolument désinguer toute voix qui s'oppose, enfin, ou qui alerte au moins sur des risques potentiels. Donc on l'a fait passer pour un vieux fou qui a raconté n'importe quoi. Bon, le fait est que cette observation de Creutzfeldt-Jakob ou de maladies neurodégénératives, on l'observe, et en plus, ces effets indésirables avaient été prévus dans un certain nombre de documents dès octobre 2020. C'était prévu dès octobre 2020. Donc on avait une liste phénoménale présenter dans une vidéo YouTube encore disponible. Hein. Il nous présente ça extrêmement rapidement pour pas que les gens le voient. Hein. Ça doit durer un quart de seconde et puis il switch la page. Mais on avait toute une série phénoménale de problèmes, dont des AVC, des thromboses, des myocardites, des péricardites et de nombreux troubles neuraux. Donc on savait que ça allait causer des troubles neuraux, puisqu'en octobre 2020, il y avait des gens qui disaient qu'il fallait les surveiller. Oui. Donc Louis Fouché, je vous donne juste le mot de la fin. Il y a quand même un espoir, c'est-à-dire qu'on rappelle, le professeur Raoult veut interdire les injections Pfizer, Moderna contre le Covid. Il parle aussi des maladies de type Creutzfeldt-Jakob. Il y a quand même une prise de conscience. Vous ne sentez pas une prise de conscience quand même au sein de la population et puis même au sein de la communauté scientifique? Le réel vient taper à la porte, effectivement, et donc il y a beaucoup de gens qui sont touchés dans leur chair ou dans la proximité de leur famille par ces effets secondaires qui sont très nombreux, comme l'a rappelé Christine Coton, et de très nombreuses natures différentes. On a notamment une surmortalité toute cause, quelles que soient les classes d'âge, dans les données anglaises, qui a été très bien mise en évidence par Pierre Chaillot, mais par d'autres équipes aussi, et une baisse de la fécondité de manière très importante aujourd'hui, qui se rapporte à ces troubles du cycle menstruel, mais aussi à des atteintes des spermatozoïdes et de la fécondité chez l'homme. Et ça, au fond, on va avoir des classes creuses énormes qui sont en train d'apparaître à la suite de cette espèce de guerre du Covid, où les gens auront que leurs yeux pour pleurer. Pour le moment, voilà, il y a assez peu de soutien, il y a ces associations de victimes, il y a Solid Éclat pour aider à déclarer les effets secondaires. Et les tutelles institutionnelles font comme si ça n'existait pas, probablement par peur de toutes les conséquences judiciaires qu'ils vont encourir. Je pense qu'il est temps, au contraire, d'admettre son erreur s'il y a eu erreur. Il est temps de clouer au pilori ceux qui ont fait des fraudes, s'il y a eu des fraudes et de la corruption, et puis de venir en aide à ceux qui souffrent et qui sont malades, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour qu'ils aillent mieux, pour que leur état s'améliore, et que tant qu'on fait semblant que ça n'existe pas, on ne le traite pas. Alors qu'à partir du moment où on le regarde en face, notre médecine est quand même capable de très belles choses. Tout à fait. Et c'est notamment pour ça que vous avez écrit La traversée de la peur, l'odyssée du réel aux éditions Trédaniel. J'ai oublié de le citer au tout début parce que on vous avait reçu là-dessus. Merci à vous Louis Fouché, puis tous résistants dans l'âme aussi aux éditions Trédaniel. Je rappelle que vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur. Et merci à vous Christine Coton, vous êtes biostatisticienne. Je veux juste rajouter encore une fois, on savait ça depuis le début. On savait tout ça depuis le début et vous l'avez écrit aussi depuis dans... Depuis décembre 2020, on savait tout ça en lisant les documents des laboratoires. Donc maintenant, ceux qui font semblant, on va dire, de tomber de la lune parce qu'ils découvrent, les professionnels de l'industrie pharma qui se sont penchés sur le sujet... savez tout ça depuis le début. Et ils auraient dû lire votre livre. Alors, on va le dire maintenant. Hein. Tous vaccinés, tous protégés, vaccin Covid-19, chronique d'une catastrophe sanitaire annoncée aux éditions Trédaniel. Je crois qu'on l'a dit tellement de fois que finalement, voilà, la vidéo, de toute manière, sera condamnée. Merci à tous les deux. Et puis, à très vite pour une... évidemment, on va continuer à suivre ça avec vous. Merci à vous. Il est 8h27, vous êtes sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Bonjour à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre pour notre vidéo. Nous serons avec Marc Aubrégon pour son dernier livre sur Omega Town, une dystopie aux éditions du Verbe Haut. Mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique d'Alexis Poulain. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et ce matin, nous sommes avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Alors, nos auditeurs vous le savent, mais vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne. Et je voulais revenir évidemment avec vous sur les manifestations des agriculteurs, les agriculteurs en colère. Alors, pendant un bon moment, les médias n'en ont pas trop parlé. Et puis là, ça commence à prendre une telle ampleur qu'évidemment, ils se sont sentis obligés de s'exprimer. Oui, alors c'est vraiment typique en fait de la façon dont le média vert, la médiasphère fonctionne, c'est-à-dire que pendant des semaines, nous, les médias indépendants alternatifs, parlions déjà des agriculteurs, pas seulement en Allemagne, mais aussi en France, puisqu'on avait des remontées de terrain qui nous expliquaient qu'il y avait une colère qui se mettait en place. Et il y a eu plusieurs jours assez longs de flottement où il ne fallait pas parler de ça, où on voyait qu'on avait beau chercher. Hein, seul le Figaro avait commencé un peu à en parler dans ses pages en tant que quotidien national. nationale. Sinon, c'était la presse locale qui en parlait. Et puis d'un seul coup, toutes les unes de la presse régionale et nationale sont focalisées sur les agriculteurs et leur colère. Et ça s'appelle le panurgisme, hein, c'est-à-dire que tout le monde suit à partir du moment où ça devient l'info numéro un. Mais c'est aussi parce que eh bien, cette fois-ci, on ne peut pas éviter d'en parler parce que les blocages se sont agrandis, parce qu'ils se sont aussi étendus sur tout le territoire, et puis parce qu'il y a eu le drame hein, de bien sûr, la mort d'Alexandra Sonac, cette agricultrice tuée avec sa fille de 12 ans, alors qu'elle était sur un barrage. Et là, évidemment, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, même si dans le monde merveilleux du Macronistan, on voit bien que les ministres sont plutôt dans un autre pays que la France, puisque systématiquement, tout va bien et ils ne veulent pas voir les contestations sociales. Et puis c'est à noter, dans cette crise grave, Emmanuel Macron a disparu. Il est à l'étranger. Il est en Allemagne pour faire un grand discours d'hommage à Wolfgang Schäuble, l'ancien ministre des Finances allemand, hein, qui était un des pires pour la dette grecque. Ensuite, il s'envole pour l'Inde et la Suède et il n'a pas eu une prise de parole, un mot sur Twitter pour la mort de cette agricultrice. Mais sinon, il est aux abonnés absents. Systématiquement, dans les grandes crises, Emmanuel Macron prend la fuite. Et je pense que c'est un peu le bizutage de Gabriel Attal pour voir s'il peut se dépatouiller de cette situation. Alors, on voit bien que c'est un vrai grave problème pour cet exécutif qui ne vit que par des plans de communication, que par des éléments de langage. La séquence devait être nomination, nouveau gouvernement, puis discours de politique générale le 30 janvier pour Gabriel Attal. Tout ça sans heurts, en marchant sur l'eau, sauf que arrive la colère des agriculteurs. De manière assez cynique, Gabriel Attal préfère rester en son palais à Matignon pour recevoir les différents syndicats agricoles en disant que la colère doit s'exprimer, puis qu'ensuite il donnera des gages. Je ne doute pas que le gouvernement va rapidement répondre aux agriculteurs parce qu'ils savent que s'ils ne font rien, s'ils entourloupent ce qu'ils font la plupart du temps, ce mouvement va s'étendre. Les routiers, bien sûr, mais les pêcheurs, mais aussi toutes les PME, TPE, les petites entreprises qui n'arrivent plus à survivre avec ce prix de l'électricité hein, qui fait que les faillites s'accumulent. Et puis, tout simplement, les Français qui, depuis maintenant plusieurs années, voient leur pouvoir d'achat totalement attaqué, voient leur qualité de vie aussi dégradée, que ce soit la santé publique, l'hôpital, mais l'école publique aussi, et puis les transports, tout ça est en train de s'effondrer devant nos yeux. Et malheureusement, il n'y a pas l'élément déclencheur qui ferait que de cette revendication corporatiste, hein, les agriculteurs, un métier en l'occurrence, eh bien, ce serait une revendication nationale et un peu à l'image des Gilets jaunes, on arriverait à une sorte de révolte légitime, populaire, pour dire stop. Or, on voit bien que ce n'est pas la direction que prend le mouvement actuellement. Mais c'est la peur, je pense, du côté de l'exécutif de voir cette coagulation se faire au sein des différentes colères. Vous ne pensez pas que ça va vers justement les Gilets jaunes, que c'est une énième jacquerie française comme on en connaît depuis des centaines d'années, j'ai envie de dire. Vous pensez que ça peut se transformer comme un mouvement comme les Gilets jaunes ou que finalement c'est le problème aussi des agriculteurs, c'est qu'ils ont tellement de travail qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre de manifester pendant trop longtemps? Bien sûr, quelle que soit la crise politique, l'exécutif et ceux qui vivent dans la soie et les palais de la République jouent le temps. Eux ont toujours à manger, ils ont toujours des chauffeurs, ils ont toujours des falcons de la République, tout va bien. Quand vous êtes en grève, que vous soyez syndicaliste ou que vous soyez simplement agriculteur en colère ou gilet jaune, il faut faire rentrer l'argent pour payer à manger, le loyer, les études, etc. Donc il y a vraiment... un cynisme terrible parce que vous dites c'est une énième jacquerie, mais c'est une jacquerie qui a commencé la révolution de 1789. À un moment, l'ordre établi ne peut pas tenir uniquement sur le mensonge, la manipulation, la censure et la répression. Il y a quelque chose là qui est de l'ordre quand même de l'inédit. Depuis qu'Emmanuel Macron est élu, on n'a quasiment aucun mois sans contestation et sans heurts. Enfin, il y a vraiment un truc qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est un rejet du corps social, en fait, de cet exécutif. Et pourtant, ça fonctionne. Hein. C'est-à-dire qu'avec les tirs de barrage des médias de propagande, avec la façon dont sont traitées la parole présidentielle, hein, qui ne vaut rien, puisque les mensonges d'Emmanuel Macron ne sont plus approuvés, eh bien, ça continue. Mais je pense qu'à un moment, ça va craquer. D'une façon ou d'une autre, pas forcément dans la violence, mais simplement dans la désobéissance. Le refus de l'impôt, le refus de payer l'électricité, ça a été le cas en Grande-Bretagne. Hein. Et puis, ce mouvement des agriculteurs, je crois qu'il fait écho à beaucoup de choses assez profondes, parce que tous les Français viennent peu ou prou d'une famille paysanne. Et donc, il y a quelque chose... de l'ordre de la mémoire, et au niveau européen, un mouvement est en train de se fédérer. Hein, autour de ces agriculteurs, il y a aussi le rejet de cette Europe des normes, de cette Commission européenne de la folie qui voudrait imposer des lois toujours plus folles pour une transition écologique dont on ne verra pas la couleur. Enfin, c'est quelque chose de terrible qui se joue, et c'est quelque chose qui doit être vu non pas sur le court terme, sur ce que pourraient avoir les agriculteurs en termes d'allègement des normes et de continuation des aides, mais sur le long terme, on est passé de 2 millions à 490 000 exploitations agricoles en 60 ans. C'est un plan social volontaire, c'est une politique volontaire de faire en sorte de tuer tout un secteur, comme l'industrie d'ailleurs. La désindustrialisation était une volonté politique, parce que la France devait être une plateforme de services, et la mondialisation faisait que nous serions que des acheteurs et pas des producteurs. Aujourd'hui, on voit la limite de tout ça, et surtout le danger de tout ça, et je pense qu'il faut bien avoir une suite au-delà de ce que pourraient être les réponses rapides pour éviter une crise profonde de l'exécutif. Voilà, une véritable souveraineté alimentaire. On rappelle aussi, on impose des normes absolument absurdes à nos agriculteurs, tout en important des produits issus de Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est absolument. Ça l'Union européenne. Merci Alexis Poulain, je rappelle que vous êtes journaliste sur Sud Radio, cofondateur du site Le Monde Moderne. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Merci à vous. Merci. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, Corentin Périgny. Et tout de suite, nous recevons Marc Aubregon pour son livre Omega Town, une dystopie aux éditions du Verbe de Haut. Et puis je vous propose d'écouter Ministry of Love. Alors c'est la bande originale du film 1984 tiré du livre, donc évidemment, de George Orwell. C'est Ministry of Love, la bande originale, donc c'est composé par Eurythmics. Eurythmics. Ah oui, excellent. Voilà, c'est donc la bande originale du film 1984. On va parler d'une autre dystopie, c'est Omega Town, le dernier roman de Marc Aubregon. Très haut, très haut. vue de haut. Mais avant, évidemment, je vous présente notre partenaire du jour, François Bousquet. Bonjour François Bousquet. Bonjour Corentin, bonjour messieurs. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Élément, directeur de la Nouvelle Librairie, puis nous sommes avec Marc Aubrégon. Bonjour Marc Aubrégon. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'Incorrect, romancier, puis vous êtes déjà venu chez nous pour votre livre L'Orbe, c'était aux éditions du Verbe aussi, c'était aussi une dystopie, puis vous êtes avec nous ce matin pour Omega Town aux éditions du Verbe O. Alors est-ce que vous pouvez résumer à nos auditeurs votre dernier livre Omega Town? Alors Megaton, c'est un peu compliqué à résumer, mais en gros, ça part d'un principe très simple qui est, moi j'aime beaucoup les romans de retour au pays, et donc c'est le retour au pays d'un soldat français qui a officié dans un pays qu'on ne connaît pas, enfin qui n'est pas cité, mais qui ressemble beaucoup à l'Afghanistan. Donc je me suis beaucoup inspiré de ce conflit pour ce roman, même si pour l'instant, enfin dans le roman, c'est assez insitué. Et donc ce soldat, en fait, évidemment victime de ce qu'on appelle le PTSD, c'est-à-dire le syndrome post-traumatique, revient en France 10 ans après et découvre une France métamorphosée, c'est-à-dire il découvre un Paris gentrifié à outrance, un Paris cerné par la surveillance globale, un Paris cerné par les IA aussi, puisque c'est un roman qui se passe dans un futur proche, pareil, qui n'est pas vraiment situé, mais bon, on va dire que c'est la perspective immédiate, on va dire. Donc voilà, et donc il va, vu qu'il a encore des années à faire pour le gouvernement, il va être engagé pour surveiller une famille d'ingénieurs, en fait, qui sont soupçonnés de faire filtrer des informations capitales pour le gouvernement. Voilà. Et puis c'est alors donc avec votre personnage principal, on découvre donc tout votre monde. Il y a un côté Welbeckien dans votre livre. Alors on en parlait un petit peu avant l'interview. Vous assumez ce côté Welbeckien, justement vous le condamnez? J'assume totalement le côté Welbeckien dans la mesure où pour moi Welbeck c'est un auteur qui a compté quand j'étais jeune, hein, au même titre que Dantec ou Philippe K. Dick. En revanche c'est vrai que Welbeck m'ennuie profondément depuis on va dire au moins 3 ou 4 romans, dans la mesure où je trouve que déjà c'est un romancier qui malheureusement à cause de son succès s'est enfermé dans une tour d'ivoire, par conséquent il a du mal je trouve à comprendre dorénavant le monde qui l'entoure. En fait pour moi il est resté sur une grille de lecture très années 90. Donc la misère sexuelle, par exemple le Minitel qui revient presque dans tous ses romans alors qu'on est passé à autre chose depuis bien longtemps. Je pense qu'il n'a pas vraiment saisi le virage numérique et le virage post-numérique même dans lequel on est maintenant. Donc Welbeck est intéressant, évidemment, ça m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune, mais il faut en voir les limites et il faut voir aussi que tous ces écrivains à succès finalement s'enferment très vite dans leur tour d'ivoire et du coup oublient de contempler et de comprendre le monde qui les entoure. Alors de là à penser qu'il faut rester un écrivain sans succès pour comprendre le monde, il n'y a qu'un pas, mais je ne franchirai pas pour l'instant. Alors Marc Aubrégon, avant de donner la parole à François Bousquet, je voulais revenir sur vos inspirations. Alors dès qu'on parle d'une dystopie de science-fiction avec, on va le dire, il y a une surveillance généralisée, on pense à 1984 de George Orwell, c'est pour ça qu'on a mis cette musique en introduction, on pense évidemment à Aldous Huxley, et puis dans les inspirations littéraires aussi, il y a du Léon Blois chez vous, donc c'est le mix entre Léon Blois et George Orwell. Oui, alors c'est vrai que George Orwell, je mettrais un petit bémol dans la mesure où c'est vrai que ce roman, même si je l'ai lu tardivement, a compté pour moi. Malgré tout, pour moi, le parangon, on va dire, de la paranoïa littéraire et la prospective géniale, ça reste Philip K. Dick, qui pour moi a été bien plus loin que George Orwell dans toute son œuvre. Il a d'ailleurs fini mystique chrétien. Il est passé de hippie californien à mystique chrétien. Et Philip K. Dick, pour moi, était vraiment une révélation qui dure encore, puisque son œuvre est tentaculaire. Vous savez qu'il a produit à la fin de sa vie près de 5000 pages d'exégèse suite à une révélation mystique. Et cette exégèse, justement, est un puits sans fond dans lequel je m'abreuve régulièrement pour trouver des idées, notamment métaphysiques. Donc voilà, Orwell, oui, mais Philip K. Dick, beaucoup plus. Et pour le style, alors c'est vrai que moi, j'ai ma seconde révélation, alors la plus stylistique, ça a été vraiment Léon Blois. D'abord Huysmans, puis Léon Blois, j'ai fait ce trajet. Et Léon Blois, pareil, c'est quelqu'un dans lequel je puise, notamment dans son journal. Dès que je suis en manque d'inspiration, je lis une phrase de Léon Blois et tout va mieux. Alors François Bousquet, pour ce livre de Marc Aubrégon, Omega Town aux éditions du Verbe O. Bonjour à Marc Aubrégon. Bonjour. C'est très ce que vous dites sur Huysmans et Blois, c'est quand même assez dantéquien, mais enfin, mais dites, ouais, d'abord dire peut-être que c'est un livre flou, je trouve, complexe, touffu, traversé d'éclairs, hein, et puis d'un lyrisme technologique. Hein. On reviendra peut-être, on a déjà évoqué les références, mais il y avait une poésie des sphères, hein, et en vous lisant, on se rend compte qu'il y a une poésie des algorithmes. Des paradis baudelairiens, mais c'est des paradis désormais qui sont plus artificiels, mais synthétiques. Hein. C'est frustrant le livre, pourquoi? Parce que je l'ai lu sur PDF, hein, et ça n'est que le premier volume. Hein. Donc je ne vous cache pas que je suis très très frustré, j'attends avec impatience le second volume. Hein. Une question impossible de savoir si ça vous fascine ou ça vous révulse ce monde techno-futuriste que vous campez, qui est techno-cauchemardesque, hein. Pas toujours, hein. Le devenir homme de la machine ou l'inverse, hein, qui sont des tentations qui ont traversé beaucoup Maurice G. Dantec, beaucoup plus que Philippe K. Dick d'ailleurs, hein. Oui, vous savez, c'est la vieille phrase d'Erlin, en fait, là où croit ce qui menace, croit également ce qui sauve. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance, comme tous les romanciers d'obédience cyberpunk, comme on dit, j'ai tendance à avoir une fascination et à la fois une répulsion pour ce monde technoscientifique dans lequel on baigne actuellement. Et c'est vrai qu'une fascination, parce que tout bêtement littéraire, puisque c'est pour moi ce monde dans lequel on commence à plonger, enfin depuis un petit bout de temps déjà, est une source sans fin d'inspiration, ne serait-ce qu'esthétique, puisque moi j'aime beaucoup cette collision fatale entre des éléments modernes, des éléments plus anciens. C'est vrai qu'on va dans une capitale comme Paris, il suffit de se promener quelques heures, même dans Paris, de changer d'arrondissement, pour voir à quel point il y a à la fois une imprégnation scientifique, technoscientifique, et en même temps, on peut se retrouver sur le quai Malaquais et être télétransporté presque un siècle avant. Donc moi, j'aime beaucoup pour ça, c'est vrai que tous mes romans sont pour l'instant assez urbains, parce que pour moi, l'urbanisme et la collision fatale, justement, de cette petite hypermodernité, et aussi de ces restes de tradition, je dirais, qu'on peut encore apercevoir ici et là, à condition de bien gratter le vernis, quoi. Oui, mais vous avez évoqué tout à l'heure le retour au pays, mais c'est une formule assez curieuse concernant Omega Town, puisque le pays a disparu. C'est justement toute la porie du livre, c'est qu'en fait le retour au pays ne se fait pas en fait. Alors après, dans le second tome, on verra qu'il y aura peut-être des échappatoires, mais le retour au pays est directement dès le premier chapitre et en fait est complètement annihilé en fait. En fait, j'ai aussi également beaucoup étudié un peu Virgilio pour écrire le philosophe pour écrire Megaton, et en fait, j'ai beaucoup retenu l'idée d'accident intégral. Et en fait, ce que constate notre héros en revenant en France, c'est que la France est désormais prise elle aussi dans l'accident intégral, qui est en gros une sorte d'accident en temps réel, donc finalement au ralenti, qui englobe tous nos êtres et toutes nos villes, toutes nos grandes capitales, quoi, qui sont désormais vitrifiées par le globalisme, vitrifiées par aussi le tiers-mondisme qui s'annonce. Et voilà. Et donc c'est ce que constate justement notre héros, c'est que le retour au pays est impossible. Et a fortiori parce qu'il doit encore des années à l'État et que donc il sera corvéable à merci pendant les années qui vont suivre. Parce que vous permettez, allez-y, ouais. François. Parce que c'est central, ces années à l'État. Moi, j'ai presque l'impression que c'est du leasing, enfin du crédit bail renversé. Vous savez, on achète, on loue des équipements pour une durée de 3, 4, 5 ans, mais là, c'est l'inverse. C'est nous qui louons nos cerveaux à l'État. Mais avant d'évoquer cette question centrale dans le bouquin, on a évoqué les gens qui ont nourri votre imaginaire, votre langue, les auteurs en l'occurrence, mais il y a également le cinéma qui est assez central, hein. Je me permets de vous dire, ça va peut-être soit vous irriter, soit vous faire plaisir, mais la couverture du bouquin, c'est Anna Karina, donc l'égérie de Godard. Le dernier chapitre de ce premier volume est consacré à Alphaville. Entre nous, le Alphaville de Godard, de Godard est irregardable, ce qui n'est pas le cas de votre livre, hein. Mais pourquoi cette fascination pour le cinéma et ce cinéma-là en particulier ? Alors c'est vrai que oui, je suis cinéphile, j'ai même caressé à une époque l'espoir de devenir réalisateur, mais qui s'est malheureusement vite confronté au réel. En l'occurrence, la référence à Godard et Karina est très simple. En fait, Alphaville, c'est un film qui me fascine précisément parce que c'est un film complètement raté, en fait, à mon sens. Et que, comme je l'explique dans le dernier chapitre du roman, en fait, c'est un film de commande qui avait été commandé par l'héritier Peugeot, qui voulait placer son argent et, en fait, qui a demandé à Godard de faire un film de science-fiction avec la star du moment qui était Eddie Constantine. Et Godard, évidemment, a pris un malin plaisir à tout faire rater. Et sachant qu'à l'époque, Godard, en plus, vivait une histoire d'amour complexe avec Anna Karina, le film, en fait, parle. Vous savez, c'est Jacques Rivette qui disait que tout film parle de son tournage, et Alphaville est avant tout un film sur son tournage raté. Et en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que notamment, c'est aussi un film sur la disparition de la femme, et progressive. Et en fait, Anna Karina, pour moi, dans Alphaville, finalement, est la première occurrence de femme virtuelle, de femme numérique, bien avant les chatbots, et bien avant les femmes hologrammes qu'on voit dans les films de SF actuels. Donc Anna Karina, je pense que Godard, à travers ce ratage, a malgré tout eu le flair pour annoncer ce que serait la femme transparente, la femme surface à laquelle nous avons affaire maintenant dans nos vitrines et dans nos films. Alors, votre personnage, il sort de prison et pourtant il dit et puis surtout, ma vie d'avant ne m'avait pas préparé à ça. Après avoir été en prison, je serai en prison en ville comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle société qui arrive avec cette surveillance généralisée est une prison à ciel ouvert, une prison où on n'a pas l'impression d'être en prison, ce qui est encore pire. On nous explique, l'État nous explique que, enfin, dans votre dystopie, puis après on pourrait aller plus loin, vous explique que vous êtes libre, mais en fait vous n'êtes pas libre. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, ça, on l'a vu avec cette immense bêta-test planétaire qui a constitué le Covid-19. C'est qu'en fait, l'être humain, en tout cas occidental, malheureusement, a suffisamment de résilience, pour employer un terme macroniste, pour rester chez lui sans avoir d'autre ambition que de regarder des séries, des feuilletons Netflix. Donc, depuis ce bêta-test, on a vu, notamment avec la lente imprégnation du télétravail, qui finalement, alors beaucoup s'en gargarisent, parce que oui, ils peuvent rester chez eux, s'occuper de leurs enfants, etc. Mais c'est aussi l'effet pervers, c'est que finalement, le travail s'insinue dans notre espace domestique, intérieur, intime. Et que donc là, y a, c'est ce que veut le capital, en fait. C'est qu'il n'y ait plus de différence, finalement, entre le cercle intime et le cercle laborieux. Et que donc les deux forment un grand tout, et qu'on puisse être corvéable à merci, y compris la nuit, y compris qu'on puisse toujours répondre à ses mails. Vous voyez maintenant, avec les groupes WhatsApp professionnels, je ne sais pas si vous en avez un, vous, mais oui. Aujourd'hui, si on ne répond pas dans la minute, on est presque considéré comme un mauvais salarié. Ouais. Donc, cette interpénétration du monde laborieux et du monde intime, en fait, pour moi, c'est ce vers quoi on va, grâce aux technologies, et par conséquent, effectivement, c'est une forme d'emprisonnement, et effectivement, mon héros se rend compte que finalement, il n'y a pas tant de différence entre être dans une prison à haute sécurité et être dans un appartement minuscule à Paris, et devoir tous les matins faire les mêmes choses, répéter les mêmes actes, et en plus, continuer l'emprisonnement à travers la bulle numérique, finalement, à travers les réseaux sociaux, qui finalement ne sont qu'une prison mentale de plus. Quoi. Parce que dans l'Orbe, donc c'est paru donc pendant le Covid ou après le Covid, vous parliez déjà du Covid, c'était une dystopie. Est-ce que ce livre c'est pas la même chose, mais c'est une poursuite de la réflexion de... Alors bien sûr, parce que ce sont des sujets qui m'obsèdent. En l'occurrence, L'Orbe, c'était vraiment un roman de réaction au confinement, parce qu'il a été écrit intégralement pendant le premier confinement. Donc c'était un roman écrit dans l'urgence, écrit suite à une sorte de sidération. Omegaton, en fait, ça s'inscrit plus dans un travail au long cours, dans la mesure où c'est un peu la suite de mon précédent roman Mort au peuple, qui est paru l'année dernière chez un autre éditeur qui est Nouvelle Marge. Et en fait, Omegaton commence finalement là où s'est arrêté Mort au peuple. Et en fait, sans vouloir forcément faire un héros récurrent, j'avais un peu dans l'idée de faire mon Bardamu ou de faire mon Durtal pour les Huysmansiens. C'est-à-dire en gros de façonner plutôt un héros récurrent, mais qui ne soit pas forcément identifiable au premier abord. C'est une sorte de signature qui a un nom, mais qui pourrait être aussi complètement polymorphe, en fait. Donc en fait, le héros de Megaton est aussi plus ou moins le narrateur de Mort au peuple. Mais évidemment, vous pouvez lire les deux tout à fait indépendamment. Tout est compréhensible malgré tout. C'est juste un petit rappel, en fait. François Bousquet. C'est un monde où la conscience intérieure est vampirisée. Vous le disiez, il n'y a plus d'intérieur ni d'extérieur, puisque tout est surveillé, tout est transparent. Est-ce que vous pouvez un petit peu évoquer devant nous cette idée d'un ministère des recouvrements qui explique pourquoi les aventures de votre héros, Monsieur T, en quoi ça consiste, ce recouvrement, le ministère des recouvrements? Bien justement, en fait, c'est un nom qui est volontairement polysémique, volontairement obscur. C'est vrai qu'on pense, on prend son premier lieu à quelque chose de type fisc. Et en fait, on va découvrir, sans vouloir déflorer l'intrigue, on va découvrir que c'est bien autre chose. Et c'est vrai que dans le premier tome, on ne sait pas trop encore de quoi il s'agit. Dans le deuxième tome, ça sera beaucoup plus clair. En l'occurrence, j'ai toujours beaucoup aimé les noms de ministères un peu abstrus qu'on peut avoir, notamment par exemple dans les pays africains, vous savez, où vous avez quasiment des ministères des gommes et des crayons, quoi. Et j'ai toujours aimé, voilà, cette espèce de polysémie administrative qui est à la fois poétique et à la fois terrifiante. Et donc le ministère des recouvrements est celui qui charge donc notre héros de surveiller une famille. Voilà. Alors pourquoi recouvrement, vous le saurez sûrement dans le deuxième tome. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas uniquement, il n'est pas question uniquement d'argent, évidemment. Oui, mais c'est comme une sorte de crédit bail, c'est ce que j'évoquais au début. Oui, tout à fait. En réalité, c'est un CDD. Il faut quand même dire, ouais. On déflore pas là. Puis de toute façon, je l'ai envie de. Les lecteurs découvriront. Puis ça enlève rien à l'intrigue du bouquin. On télécharge le cerveau, en réalité. C'est ça, tout à fait. Et en fait, mon roman part du postulat. Que désormais on peut faire ce qu'on appelle ce qui existe déjà dans certaines techniques, ce qu'on appelle des jumeaux numériques. Donc on vraiment part du postulat qu'on peut effectivement téléverser un cerveau pour le copier de façon intégrale, donc un réseau de neurones, pour reproduire en fait donc la conscience humaine avec tous ses souvenirs dans n'importe quel objet en fait. Donc par exemple, je pars du principe, bon, c'est un peu dadaïste, hein, mais pour une longue peine de prison, on pourrait tout à fait télécharger un cerveau, mettons, dans une éolienne, pour que le cerveau surveille la maintenance de l'éolienne. Ce qui est le cœur de règle cauchemardesque. Donc je pars de ce principe-là. Effectivement, heureusement, notre héros n'est pas condamné à ça, mais en revanche, son cerveau est pendant les 3 ans qui vont suivre la propriété du gouvernement français. Et justement, moi ça me fait penser à cet état infantilisant qui arrive avec le libéralisme. Il y a à la Nouvelle Librairie, oui, c'est la Nouvelle Librairie, Guillaume Travers, ce livre notamment sur le lien entre libéralisme et étatisme. Et là, on est véritablement là-dedans, c'est-à-dire que la technologie nous infantilise de plus en plus et nous rend de moins en moins libres. Et donc, c'est l'État qui va gérer pour nous en fait, tous les liens sociaux. Oui, alors l'État, moi j'ai plutôt le système oligarchique, puisque l'État n'est plus qu'une écorce, en fait. n'est plus qu'une patine qui justifie un peu la démocratie, mais derrière tout ça, c'est les oligarchies, ce sont les GAFAM qui vraiment tirent les ficelles. Je pense que je vais pas passer par un complotiste, mais ça me semble c'est une évidence partagée par tout le monde désormais. Donc effectivement, il suffit de prendre le métro le matin, là j'ai pris le RER ce matin, et de voir que 99% des passagers sont voûtés sur leur téléphone portable, ça fait d'eux déjà des périphériques en fait. Aujourd'hui, l'être humain n'est plus qu'un fournisseur d'énergie, magnétique avec son cerveau électromagnétique, et qui est condamné, qui est voûté sur ces flux tendus d'informations, qui les fait défiler à l'infini pour s'oublier lui-même en fait. Et donc, on est déjà dans cette espèce d'asservissement quotidien de l'esprit humain au flux tendu d'informations prédigérées que constitue le monde numérique. Et alors pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de thèses dans votre roman qui sont très intéressantes, pourquoi vous avez écrit un roman et pas un essai là-dessus avec vos différentes thèses sur là où on va, où va nous emmener la technologie? Pourquoi vous avez décidé d'écrire un roman? C'est plus facile pour vous? Alors, pour en fait, partager vos thèses. Tout simplement parce que je peux me tromper, hein, je vais essayer de ne pas trop choquer les philosophes et les pamphlétaires, mais c'est vrai que je pense que malgré tout, la fiction peut dire plus de choses. Parce que la fiction, c'est un artifice, mais que via l'artifice, finalement, on peut gratter quelque chose que parfois, en tant que romancier, on ne pense pas, en fait, préalablement. C'est-à-dire que beaucoup, d'ailleurs, Philippe Kédic le disait, ce sont les formes les moins nobles de la littérature qui, en fait, révèlent le plus de choses. Puisque c'est justement ce qui rejoint un message presque chrétien, en fait. C'est que en choisissant le peuple juif, Dieu a justement choisi le peuple le moins considéré pour la révélation. Et ben, en fait, Dick disait que c'était pas pareil pour la littérature. En choisissant la littérature la moins considérée, qui était la littérature pulp de l'époque, la littérature de SF, en fait, on se permet, du coup, on a une sorte de liberté d'imaginaire, déjà, parce que la science-fiction permet l'imaginaire, donc permet la parabole, donc permet l'hyperbole. Et parabole et hyperbole sont des moyens, justement, de mieux cerner le réel, de mieux cerner le présent. Et voilà. Et donc, pour moi, la fiction est un révélateur de vérité, en fait. Alors que finalement, un essai ou philosophique ne dit que ce qu'il a à dire. Alors que je pense qu'une fiction dit beaucoup, une fiction réussie, à mon sens, dit beaucoup plus que ce qu'elle a à dire et beaucoup plus que ce que le romancier pensait même dire préalablement. Alors, je vais donner la parole à François Bousquet. Bah, allez-y, François. Justement, pour rebondir sur cette question du roman et de l'essai, oui, c'est le roman octroie de cette liberté, et puis on peut cultiver l'ambiguïté, on peut cultiver la nuance. C'est beaucoup plus difficile sur un essai sur la technique. On doit s'engager, prendre parti pour ou contre. Hein. Là, on préserve toutes ces nuances. Hein. Pour cette humanité, ce capitalisme, c'est déjà un capitalisme de data. Le bouquin est émaillé de blagues, on pense aux journaux, par exemple. Hein. Les journaux sont des journaux marques, comme le Stade Orange, le Stade Vélodrome à Marseille. Hein. Là, c'est l'humanité Coca-Cola ou le Figaro, Procter & Gamble ou Unilever, je ne sais plus. C'est ça. Donc, en effet, c'est la marque qui a pris, c'est le capitalisme des GAFA qui a pris le pouvoir. Hein. Oui, tout à fait. Effectivement, tous les journaux sont obligés, dans le monde que je décris, sont obligés d'accoler à leur nom la marque qui les a rachetés. Donc, effectivement, on trouve, je crois que c'est Le Monde Vuitton, enfin Le Monde / Vuitton, etc. Donc, oui, le Figaro unit le faire. C'est ça. Et puis avec. Oui, tout à fait. Ouais, et puis avec des quartiers Christiane Taubira pour la dimension humoristique ou des amphithéâtres Jack Lang, oui. On serait dans le monde de Rachida Dati et d'Anne Hidalgo déjà. Tout à fait, évidemment. En fait, Une sorte d'enfer, il faut le dire quand même. je ne fais jamais que parodier le monde présent. Effectivement, nous avons notamment un amphithéâtre Jacques Lang dans lequel se déroule un combat final. Et donc je ne fais que décrire finalement cette lente transformation de nos capitales, de nos grandes villes, en espèce de parodie globale. Et c'est vrai que c'est aussi important pour moi, je reviens à la fiction, à la science-fiction, c'est que souvent je pense qu'il y a une méprise sur la science-fiction qui compte, parce qu'on a souvent l'image de Star Wars, de ces grandes sagas galactiques. En fait, il ne faut pas oublier que la science-fiction à la base d'abord est française, et ensuite en fait relève plus de l'ordre de l'investigation poétique. En fait, c'est-à-dire qu'à la base, la science-fiction ça repose simplement sur le mode du « et si ». En fait, on prend une hypothèse et on va essayer de tordre la réalité à cette hypothèse, de l'anamorphoser à cette hypothèse. Et donc, la science-fiction dont je me réclame, et qui relève quasiment plus du dadaïsme ou du surréalisme de Breton, ou même du grand jeu, des poètes que j'aime beaucoup, en fait, se charge simplement de prendre un morceau de réel et de le tordre sous une hypothèse. Et pour moi, c'est ça le vrai travail du romancier de SF, c'est de travailler l'hypothèse. Jusqu'à la parodie, bien sûr. François Bousquet. Oui, sur le grand jeu. Du reste, rappelez-moi le nom de l'auteur du grand jeu qui revient, que l'une de vos héroïnes, Zoé, oui. Cite. Hein. Alors le grand jeu, en fait, ce sont à la base quatre jeunes lycéens de Reims. De mémoire, c'est Robert Mera, Roger Vaillant et surtout René Domal et Roger Gilbert Lecomte, oui. Qui en fait sont quatre lycéens géniaux, en fait, hein, qui ont des facultés en philosophie, en métaphysique, mais aussi en mystique très tôt, qui d'ailleurs subjuguent leur prof de philo à l'époque, et qui vont en fait se réunir pour fonder une revue littéraire qui va s'appeler Le Grand Jeu, et qui vont même dont l'aura va même excéder la petite ville de Reims, puisque André Breton va en être jaloux à l'époque. Et vous savez à quel point Breton était soviétique, et donc il va tout faire pour d'abord les intégrer dans son mouvement de surréalisme, et ensuite, voyant qu'ils étaient assez peu solides dans son mouvement, va tout faire pour les en expurger. Et comme d'ailleurs il l'a fait avec Antonin Artaud. Et donc ce grand jeu, pour moi, est très important, parce qu'en fait c'est un de ces mouvements oubliés, à mon sens, mais qui infuse de façon presque inconsciente toute la culture française, en tout cas dont je me réclame. Et c'est vrai que d'ailleurs René Domal, en fait, est notamment le plus connu, hein, parce qu'il a été c'est un de ceux qui a vécu plus longtemps, parce que malheureusement beaucoup étaient addicts à beaucoup de drogues, notamment Gilbert Lecomte qui est mort, je crois, à 27 ans d'excès de laudanum. René Domal, lui, a fait justement le pont entre ce qu'on appelait la tradition, que René Guénon, c'était un élève de Gurdjieff, et la poésie pure, et le dadaïsme. Et donc, pour moi, il y avait vraiment, dans le grand jeu, cette volonté qu'on trouve d'ailleurs chez Artaud, finalement, de tuer la poésie, en fait. Alors, Marco Brégon, on va continuer à parler de votre livre, évidemment, Omegatown, aux éditions du Verbe Haut, avec François Bousquet. Mais tout de suite, François connaît la règle, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. La présidente du comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union européenne a annoncé que l'Espagne et l'Italie allaient rejoindre le mouvement de protestation des agriculteurs français. De nombreux agriculteurs assurent que sans réponse concrète du gouvernement d'ici quelques jours, ils n'hésiteraient pas à aller jusqu'à Paris. Et puis l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a annoncé que 142 500 personnes ont demandé l'asile à la France en 2023, soit une augmentation de ces demandes de 8,6% en un an. Et en Allemagne, une grève des conducteurs de train débute aujourd'hui et pour 6 jours jusqu'au lundi 29 janvier. Provoquée par un conflit sur les salaires et le temps de travail, elle risque de coûter des centaines de millions d'euros à la première puissance économique européenne. Et du côté du sport, la Coupe du monde de ski se poursuit. Hier, le Suisse Marco Odermatt a signé une 5e victoire en géant cette saison. Dit Thibaut Favreau, le premier Français dans la course, est 12e du classement. Et il fait plus chaud cette semaine, Adèle. Oui, le soleil s'impose en effet du bassin aquitain au sud des Alpes et à la Méditerranée, avec des températures proches des records de douceur pour la saison. Le ciel reste bien chargé au nord de la Loire avec un risque de pluie. Côté température, nous avons ce matin 9 degrés à Lille, 10 à Saint-Brieuc, 12 à Paris. Et dans l'après-midi, nous aurons jusqu'à 13 degrés en Bretagne, 14 en région parisienne et 21 en Occitanie. Et nous fêtons aujourd'hui Saint-François de Sales, Sainte-Xénia et Saint-Macédoine. Merci Adèle Rosner. Et tout de suite, nous continuons notre vidéo avec François Bousquet et Marc Aubrégon qui nous présentent son dernier livre, le tome 1 d'Omegatown aux éditions du Verbe Haut. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Alors, on continue cette vidéo avec vous, Marco Obregon. Alors, on a décrit votre roman et le monde dans lequel vous mettez votre personnage comme quelque chose d'assez noir, d'assez dur. Mais finalement, il y a aussi beaucoup d'humour dans votre livre. Et notamment, moi, ce qui me fait rire, c'est comment vous décrivez ce monde et les différents, notamment la machine pour faire de la nourriture, tout ça. Alors, comment vous trouvez votre inspiration? C'est-à-dire que vous prenez le fil de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui, puis vous le tirez pour inventer tout un monde finalement assez drôle, parce que complètement assez absurde et puis complètement, on l'a dit, infantilisant pour votre protagoniste. Oui, si vous voulez, ça c'est aussi une réaction à la littérature de science-fiction que j'aime par ailleurs, mais qui est parfois trop sérieuse à mon sens. Bon, un de mes grands inspirateurs, c'est Maurice Dantec, et c'est vrai que Maurice Dantec, ses romans parfois tombent des mains par trop de sérieux, même s'ils sont géniaux par ailleurs. Mais et c'est vrai que moi j'ai aussi beaucoup d'inspiration du côté du cinéma, notamment du cinéma burlesque, notamment aussi d'auteurs comme Jacques Rivette ou David Lynch qui parviennent à vraiment créer des vertiges métaphysiques, mais tout en gardant constamment une sorte de sourire, une sorte d'humour. Je dirais libérateur, qui décongestionne un peu l'ensemble. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours à cœur de faire ce qui me plaît, c'est-à-dire des romans effectivement qui vont tutoyer la noirceur la plus absolue, mais tout en gardant une sorte de recul et tout en gardant une poésie. Et c'est vrai que vous parlez notamment de tous ces artefacts technologiques que j'ai imaginés, qui sont simplement finalement des parodies, des continuations parodiques de ce qui existe déjà. Mais c'est vrai que notamment, oui, on trouve un synthétiseur une imprimante 3D en fait, qui synthétise à peu près tout, quoi, jusqu'aux antidépresseurs, jusqu'à des galettes de nourriture qui imite la viande ou le cognac. Mmh. Voilà. Oui, et donc justement, d'ailleurs, on lui dit il faut pas en prendre trop d'antidépresseurs, tu peux pas demander à ton imprimante d'en faire trop. Mais alors, c'est drôle parce que c'est du burlesque, de la poésie, puis vous mettez de la poésie, vous mélangez des noms numériques tout en faisant de la poésie. Comment est venue cette inspiration-là? C'est-à-dire que vous êtes dit, tiens, ce monde-là mérite aussi de la poésie. Alors ça en fait, je pense que c'est vrai que dans mes romans, je parle beaucoup d'intelligence artificielle, je parle beaucoup de drones aussi, et souvent je leur donne des affects, je leur donne de la parole, des sentiments, et je pense qu'on va y venir, hein. Je pense qu'actuellement, ce qu'on appelle les chatbots, mm-hmm. c'est-à-dire les robots conversationnels, sont juste à leur prémisse. Mm-hmm. Je pense que dans 10 ans, on pourra aisément parler à des robots, à des chatbots, mm-hmm. qui sont un peu nos majordomes, qui sont un peu nos femmes à tout faire, ou nos hommes à tout faire, mm-hmm. et qui vont donc nous connaître, qui seront programmés pour évoluer avec nous, des algorithmes conscients. Donc je pense que ça va venir, je pense que dans 10 ans, à mon avis, on y sera. Et donc moi, j'ai imaginé ça un peu en avance. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir, comme proposition littéraire, de montrer que là où l'humanité, finalement, devient de plus en plus robotique, il se pourrait bien, en tout cas d'un point de vue littéraire, que finalement, la robotique, elle, devienne de plus en plus humaine, et finalement, que la poésie vienne d'elle, en fait. Mais malheureusement, c'est uniquement une hypothèse littéraire, puisque je pense que dans la réalité, ce ne serait pas du tout le cas. Mais... Alors, François Bousquet, ça vous fait rire. Non, ce serait des vases communicants étranges. Hein. Mais ça étant dit, ça affleure néanmoins dans votre livre. Hein. Sur la dimension humoristique, oui, il y a l'IA quasiment publique, souveraine, hein, comme il y a des fonds souverains. C'est Talleyrand dans sa 4e version, parce que les versions antérieures sont souffrées de conflits de personnalité. Mmh. Simplement, je voudrais revenir sur vous l'avez évoqué, lâcher ce mot-là sur les influences noir, futuriste, etc., cauchemardesque, mais surtout punk, post-punk, cyberpunk. Hein. Et dans tout cet univers-là, qui de toute évidence vous nourrit, c'est un monde où on est passé sans transition du monde d'hier au monde d'aujourd'hui, au monde de demain. Je veux dire par là qu'il n'y a pas eu d'apocalypse. Hein. Et pourtant, c'est un monde post-apocalyptique. Hein. Est-ce que ce n'est pas ça notre apocalypse, hein, de ne pas se rendre compte, hein, que ce monde s'emballe, s'accélère, que l'IA est déjà là, qu'on fait avec des imprimantes 3D, des alcools de bonne qualité. Il n'y a pas d'apocalypse. Hein. Est-ce que ce n'est pas ça l'apocalypse, hein? Tout à fait. Alors, là, pour le coup, vous reprenez un peu, à mon sens, la thèse de Paul Virilio, qui est qu'en fait, celle de l'accident intégral, et qu'en fait, l'accident est derrière nous, en fait. Et ce dont aussi parle très bien Baudrillard, ou même Philippe Murray dans une moindre mesure. En l'occurrence, nous sommes dans le monde de la post-histoire, nous sommes dans le monde de l'accident au ralenti, et donc toute la question sera comment habiter. Comment rendre réhabitable ce monde qui n'est qu'un accident en temps réel, finalement. Et j'aurais pour preuve qu'en fait, finalement, beaucoup de philosophes modernes, postmodernes, se sont échinés à délimiter quel a été le moment pour eux qui a symbolisé ce début de l'accident intégral. Par exemple, pour Philippe Murray, c'est tout simplement le moment où le cimetière des innocents a été transvasé dans la catacombe de d'Enfer Rochereau. Pour lui, cette musification des morts a été le point de départ, finalement, du monde moderne. Pour Virilio, ça sera tout bêtement le crash du Zeppelin Hindenburg en 1937, qui a fermé quelque part la porte du ciel et la porte d'une certaine vitesse réduite pour ouvrir la porte de la locomotion à grande vitesse sur les routes. Voilà, pour certaines thèses complotistes que je trouve assez poétiquement admirables, l'accident intégral remonte à 2022 avec cette thèse comme quoi le CERN, vous savez, cet institut de physique nucléaire en Suisse, aurait provoqué la fin du monde sans que nous le sachions en déclenchant son cosigneur de particules Hadron en 2022. Donc voyez, finalement, je pense que le début de l'accident intégral, il est, dans tous les cas, il est derrière nous. Alors évidemment, on pourrait aussi dire que c'est tout simplement ce que pensait Léon Blois, c'est que la fin du monde, c'était 14-18. Donc chaque génération a sa fin du monde, mais elle lui précède toujours, en fait. Et c'est là aussi que je pense que la SF peut se rendre peut essayer de résoudre ça, c'est de montrer comment, malgré tout, on peut habiter à nouveau cet accident. Oui. Il est habitable. Alors, sur cette SF et sur cette intelligence artificielle, il y a une remarque qui m'a frappé. Alors là, c'est presque une remarque d'essayiste, mais c'est la liberté du romancier de pouvoir abriter dans une fiction des passages plus philosophiques. C'est l'idée que l'IA c'est beaucoup mieux implanté dans les univers anglo-saxons et protestants que dans parce que il y a une désincarnation, il n'y a pas l'attachement à l'icône, à l'image, que dans les univers catholiques ou pourquoi pas orthodoxes. Oui, alors ça c'est quelque chose qui me tient effectivement assez à cœur, qui a été vite fait, dont je parle très vite fait dans le premier tome, qui est qu'à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup plus, enfin que l'IA est beaucoup plus soluble effectivement dans un monde protestant que dans un monde catholique, pour simple et bonne raison que le monde catholique est un monde de la révélation et de l'incarnation, et que par conséquent, nous en tant que catholiques, on tient encore à la chair. Et on a beaucoup de mal finalement, on a beaucoup de mal à donner de l'esprit à des choses inanimées. Ce que font très bien les Japonais aussi parce qu'ils sont animistes, et ce que font très bien les protestants parce qu'ils sont peut-être un peu veules, quoi. mais voilà, dans tous les cas, je pense que c'est vraiment le sujet principal, c'est un des sujets centraux de mon roman, et aussi dans la mesure où, pour revenir un peu à celui qui précède, qui est Mort au peuple, et à celui qui va suivre, parce que j'ai pensé à ça comme une trilogie, en fait, ce héros récurrent, donc Monsieur T, comme vous l'appelez, va être amené finalement à voyager à travers les trois religions, quoi. Donc Mort au peuple était centré sur l'islam, celui-là est plus centré sur la culture juive, et le prochain, qui n'est pas encore écrit, mais sera vraiment consacré au catholicisme. Mais même François. Le côté un peu frustrant, c'est qu'on aura la suite dans la rentrée de septembre-octobre. Ouais, donc il y a des parties qui a encore des trous noirs. Hein. Vous évoquiez la culture juive, la famille Becker. J'ai du mal à comprendre la généalogie du père, mais je comprendrai, je pense, au fur et à mesure de l'avancement de la lecture. Dites, pour revenir sur cette question, catholicisme, protestantisme, est-ce que ça ne veut pas dire notre fascination pour l'IA, en tout cas la fascination du narrateur, de votre narrateur pour l'IA, et je le crois, de l'auteur, hein, vous l'avez dit, ça ne veut pas dire que vous êtes protestantisé, que nous nous protestantisons, si je puis dire? Bien sûr, oui, je pense qu'effectivement il y a une tendance à se protestantiser, d'ailleurs qu'avait déjà remarqué Léon Blois dans ses nombreux pamphlets. Même le pape François l'a dit, en parlant de l'église d'Allemagne, il avait dit l'Allemagne n'a pas besoin d'une deuxième église protestante. Tout à fait. Donc, voilà. Et même on voit le rayonnement aussi de la philosophie allemande, justement de la philosophie rationaliste et même de la phénoménologie, du Searle, de Heidegger, de l'école de Francfort, tout ça finalement, tout ce qui vient d'Allemagne finalement nous a atteint depuis longtemps. Il suffit de voir que Macron, par exemple, se réclame de Paul Ricoeur. Et déjà, on comprend beaucoup de choses. Donc effectivement, oui, la France, malheureusement, a depuis très longtemps entamé sa protestantisation. Alors après, moi, en tant que chrétien, je reste un peu optimiste et je pense que le vieux fond catholique reste présent malgré tout et peut-être saura trouver les moyens de se défendre. Parce que évidemment la foi catholique est présente dans votre livre, enfin c'est pas dit expressément, mais on désespère de ce monde et en même temps c'est en désespérant de ce monde qu'on espère qu'en Dieu, enfin en tout cas c'est ce qu'a dit Saint Jean de la Croix, et donc il y a véritablement ça aussi, vous décrivez un monde matériel, désespérant, soi-disant le monde le plus abouti technologiquement, mais où finalement personne n'est heureux. Oui, bien sûr. En l'occurrence, je pense que Omegaton, c'est le roman le plus noir que j'ai écrit. Donc effectivement, la foi chrétienne est vraiment vue en filigrane, peut-être dans les ultimes pages, mais en l'occurrence, c'est dans la mesure où j'ai voulu parler notamment de la relation à tout ce qui est les hérésies de type cabale. En fait, comment dire, j'ai voulu montrer à quel point l'occultisme finalement est aussi très proche de la technoscience et sont deux formes du même labyrinthe finalement. Vous savez ce que disait Philippe Murray en parlant du 19e siècle comme matrice du monde moderne, c'est que le 19e siècle qui est la production de la mort de Dieu finalement a du coup séparé d'un côté la technoscience et de l'autre l'occultisme, mais finalement ce sont les deux versants d'une même hérésie en fait, qui est en gros l'hérésie illuministe. Illuministe, alors qu'est-ce que c'est l'hérésie? Alors l'illuminisme, bon, c'est un terme un peu générique pour désigner tous ces carbonarismes, toutes ces sociétés secrètes qui ont émergé au XIXe siècle et qui se sont chargées dans le sillage des Jacobins d'achever Dieu, d'achever, on va dire, la hiérarchie transcendantale de Dieu pour amener ce monde tabulaire, ce monde où tout est égal, ce monde de l'égalitarisme à outrance, pour en faire l'avènement. Et justement, et vous utilisez notamment votre littérature pour faire passer... Il ne faut pas dire faire passer un message, je déteste cette expression, mais plutôt catholique, ou en tout cas des idées plutôt catholiques. Alors, des idées catholiques, c'est vrai que c'est toujours compliqué dans la mesure... en fait, pour moi, une influence aussi, sans évidemment me réclamer, parce que je suis bien loin de son talent, mais je pense beaucoup à Dostoïevski, qui finalement réussit à être catholique, mais en fait, dans leur creux. C'est-à-dire qu'en fait, Dostoïevski décrit des sociétés nihilistes, des sociétés rongées par une certaine recherche de la jouissance, de la puissance, du confort, et c'est simplement dans l'encreux en fait qu'il montre que lui espère toujours. Mais et je pense que je me réclame un peu de ça, c'est-à-dire que finalement mon catholicisme, je le laisse parler à travers moi, mais de façon presque un peu comme un ventriloque, si vous voulez, ça. Sans forcément que ce soit moi qui soit vraiment l'instigateur premier. Quoi. Avec ce désespoir très. Un petit lapsus de Marc Aubrigon. Pas catholique, Dostoïevski. Bien, bien sûr, orthodoxe, mais en l'occurrence, pour moi, les deux sont quand même très proches, en tout cas, dans mon esprit. Oui. Et vous savez qu'il a eu des mots très, très durs sur l'Église catholique. Oui, tout à fait. Donc, François, vous voulez conclure cette interview dire à l'auteur et surtout à nos auditeurs et spectateurs que moi je dis comme Marc Aubrigon, lecteur moins que lui certes, mais lecteur de science-fiction, je désespérais de lire que des grands livres américains, alors que comme vous l'avez rappelé, nous avons été pionniers une fois de plus, et une fois de plus on a déserté un champ qu'on a quasiment inventé, quoi. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu un roman aussi exceptionnel, hein, donc ouais. Félicitations à l'auteur, j'attends avec vraiment avec une grande impatience la suite. Hein. Et j'aimerais que vous nous éclairiez sur Oméga, parce que Oméga, c'est le titre du livre, et c'est encore flou dans le premier volume. Alors, c'est tout simplement le reflet inversé de Alphaville, Alphaville, Oméga Town. Voilà, ce sont les deux villes à la fois jumelles et inversées. C'est, voilà. Merci. Oui, c'est ça, Alphaville, donc c'est ce film de Godard, de Godard dont on a parlé. Alors, le tome 2, pourquoi vous avez décidé de séparer en deux livres? Parce que c'est vrai que c'est frustrant. Et on rappelle que ce livre, parce qu'on l'a dit, est très noir, mais aussi très drôle et très, très sympathique à lire. Hein, donc voilà. Mais alors, pourquoi l'avoir divisé en deux tomes? Tout simplement parce qu'en fait, j'en ai beaucoup parlé à mon éditeur, et c'est vrai que dans la mesure où le roman était un vrai pavé au premier abord, il a trouvé ça plus judicieux de faire en deux tomes. Et moi, ça me permettait aussi peut-être de mieux travailler, parce qu'en fait le deuxième tome est déjà prêt, mais j'avais envie de le travailler aussi un peu, de voilà, justement de le rendre encore plus efficient. Et vu que finalement je l'ai écrit il y a quand même quelques, j'ai écrit il y a 3 ans, donc j'avais aussi envie de retravailler la seconde partie à l'aune de mes récentes spéculations personnelles. Voilà. Et ben écoutez, on continue. Et le tome 2 est prêt et vous allez le remodifier? C'est ça, tout à fait. Le tome 2 est prêt, il y a juste quelques ajustements à faire, et si tout se passe bien, il sortira cette année. Écoutez, merci beaucoup Marc Aubrigon. Je rappelle, donc vous êtes journaliste à l'Incorrect, et puis le titre de vos livres, donc Mort au peuple, une fiction sur la France de 2039, et puis donc L'Orbe, on en a parlé, et puis ce livre Omégaton aux éditions du Verbe Haut. Puis merci à vous François Bousquet. Je rappelle que vous êtes donc rédacteur en chef de la revue Élément, directeur de la Nouvelle Librairie, notre partenaire du mercredi. On vous retrouve très vite pour une nouvelle interview. Alors la semaine prochaine, je le dis, il n'y aura pas d'émission parce que nous faisons des travaux, on vous en parlera plus longuement, chers auditeurs, mais on vous retrouve donc mercredi 7 février. Merci à vous et à très vite. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Corentin Périgny. Il est 9h17, vous êtes sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Bonjour à tous les auditeurs qui viennent seulement de nous rejoindre. Et tout de suite, on va parler de la zone libre du jour avec une chronique de Marie Falicon qui va nous parler de l'Union européenne qui veut en finir avec notre conscience historique. Puis ce sera l'heure des petites annonces patriotiques. Mais tout de suite, la chronique quotidienne « Une raison de croire » en partenariat avec Marie de Nazareth. Vous connaissez cette chronique désormais, une chronique qui devrait pas tarder à arriver. Nous sommes toujours avec Marco Brégon. Mais on va parler tout de suite avec Adèle Rosner. Ligne droite. Une raison de croire. Anne, nous sommes avec Adèle Rosner dans le studio ce matin et vous nous parlez d'un miracle, de Saint François de Sales, oui, qui est un de vos saints patrons. Et enfin, le saint patron de toute l'équipe finalement de la matinale de Radio Courtoisie, puisque saint François de Sales est le saint patron des journalistes. Tout à fait. En effet. Bonne fête à tous. Oui, puisque c'est la saint François de Sales aujourd'hui, exactement. Mais alors l'histoire n'a rien à voir avec ça finalement. Saint François de Sales est mort le 28 décembre 1622. Et 4 mois plus tard, un événement va faire grand bruit à Annecy, ville dans laquelle le saint a vécu quelque temps. Et alors, c'est le vendredi 28 avril 1623, aux alentours de 14h, que Françoise Angélique de la Pesse, qui est alors une petite fille de 8 ans, profite d'un moment de distraction de sa maman pour sortir discrètement de la propriété familiale. Elle se dirige vers le canal de Thiou, donc le Thiou qui est aussi le nom de la rivière qui traverse la ville et qui sert de voie de transport jusqu'au lac d'Annecy. Et dans cette rivière, la force du courant est assez importante pour que, depuis le Moyen-Âge, les habitants fabriquent de la farine à partir de moulins qui sont installés sur les rives. Enfin bref, la fillette, qui ne prend pas garde aux recommandations qui ont lui été faites déjà plusieurs fois, s'approche de la rive. Et brusquement, elle perd l'équilibre, tombe dans l'eau et se noie. Et sa mère ne se rend pas compte immédiatement de la disparition de sa fille, et ce n'est qu'après de longues minutes qu'elle donne l'alerte. Seulement, le courant a déjà emporté le corps sur plusieurs centaines de mètres. Et près de 3 heures plus tard, vers 17h, à proximité d'une écluse d'un des moulins, des passants remarquent le corps de la petite Françoise Angélique flottant dans l'eau. Et alors la force publique est appelée, ainsi qu'un médecin de la ville, le docteur Grandis, qui ne peut que constater le décès de la fillette. Il note que celle-ci est froide comme un glaçon, que son visage est noirâtre et ses yeux monstrueusement enflés. Et c'est dans cet état, malheureusement, que Madame de la Peste donc, découvre son enfant. Alors la mère, elle est abattue, mais confiante en Dieu, elle se met à implorer Saint François de Sales de la sorte. « Glorieux Saint François de Sales, ma fille, je vous offrirai un cœur d'or massif si je puis la retrouver. » Mais rien ne change, la mort a fait son travail. Et alors, ramenée dans la maison de la famille, Françoise Angélique doit être inhumée rapidement, au vu des circonstances du décès. Et la paroisse voisine est prévenue et tout le monde songe aux funérailles du lendemain, donc qui devrait avoir lieu vers 17h30. On frappe à la maison, aux funérailles du lendemain. frappe à la porte de la maison. Oui, vers 17h30, excusez-moi. Et donc c'est un groupe de fans d'Annecy, c'est ça? C'est ça, un groupe de fans d'Annecy, des amis qui connaissaient bien la petite fille depuis toujours et qui veulent lui rendre un ultime hommage. Et alors les visiteuses silencieuses sont maintenant autour de Françoise Angélique. Et l'une d'elles soulève le suaire qui a été déposé sur son corps. Et au moment où elle le soulève, elles se mettent toutes à crier de stupéfaction, puisque la petite fille a ouvert les yeux et a joint les deux mains en disant « J'ai bien dormi ». Alors c'est un sacré miracle. Oui, je ne vous le fais pas dire, Corentin. Et la nouvelle de cette résurrection est connue dans les heures qui suivent par tous les habitants d'Annecy, puis de la Savoie entière, et bientôt jusqu'à Sainte-Jeanne-de-Chantal et au roi de France, Louis XIII. Et alors le clergé décide de mener une enquête, et il se trouve qu'en plus à ce moment-là, Saint François de Sales, qui était déjà connu pour avoir fait de nombreux miracles déjà de son vivant, quelques mois donc seulement après sa mort, il y avait déjà des enquêtes faites par le clergé concernant ces miracles. Donc là, c'était vraiment une période dans laquelle les miracles de Saint François de Sales étaient déjà étudiés. Et donc là, le clergé a tout de suite décidé de mener une enquête face à ce nouveau miracle, et à l'issue de laquelle le miracle a été pleinement authentifié. Eh ben merci Adèle Rosner pour cette belle raison de croire en partenariat avec Marie de Nazareth. Et puis encore, bonne fête à vous tous. Ligne droite, les petites annonces patriotiques. Et tout de suite, c'est l'heure des petites annonces patriotiques avec Franck. Bonjour Franck. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Alors, jeudi 25 janvier à 20h30 à Marly-le-Roi, c'était à la maison Saint-Vincent de Paul, 47 rue de l'Abreuvoir, il y aura une conférence dédicace d'Hubert Leroux autour de son livre « Ostéopathie, se soigner autrement ». Et puis nous annonçons une belle dédicace à un certain Nicolas Vidal que vous connaissez peut-être l'équipe et puis les auditeurs de Radio Courtoisie. Notre ami Nicolas Vidal dédicace son livre « Lettres aux autruches et tubes digestifs » à la nouvelle librairie 11 rue de Médicis dans le 6e arrondissement de Paris. Alors attention, c'est aujourd'hui, hein, mercredi 24, ce soir plus exactement de 18h à 20h. Tous les renseignements au 01 42 01 83 73 ou nouvelle-librairie.com pour la dédicace de Nicolas Vidal ce soir à Paris entre 18h et 20h. C'est le dernier jour, donc c'est aujourd'hui, il faut y aller. Hop. Allez-y, foncez. Moi, je vous propose une autre dédicace. C'est jeudi 25 janvier 2024, donc demain de 15h à 17h30. Et c'est Jean-Dominique Michel qui dédicace son livre Autopsie d'un désastre qu'on a reçu évidemment ici sur Ligne Droite. C'est à la librairie Dorée. C'est au 14 rue Volontaire à Nantes, 44 000. Donc Nantes, pour tout renseignement, vous pouvez contacter la librairie Dorée au 02 40 69 84 84 02 40 69 84 84. Et pour terminer, que les admirateurs du professeur Dehevel s'écoutent attentivement à cette annonce. Une conférence organisée par la SCM dans le 8e arrondissement, métro Saint-Philippe-du-Roule, jeudi 8 février prochain. Paul Dehevel, statisticien, professeur émérite à l'Université de Paris 6, membre de l'Académie des sciences et patron d'émissions sur Radio Courtoisie, organise cette conférence consacré au climat, beaucoup de bruit pour rien. Inscription gratuite mais obligatoire auprès de la SCM. Voici l'adresse, on ne peut réserver que par courriel. assistante@scmsa.eu. Je répète doucement, assistante@scmsa.eu. Sinon, vous appelez le secrétariat de Radio Courtoisie et on vous répétera tout ça. Merci beaucoup Franck et puis vous restez avec nous pour la Zone Libre. Vous avez des petites annonces à diffuser ? Envoyez-les nous par courriel à secrétariat@radiocourtoisie.fr. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Un sujet. Tu dis bien fort ce que l'on pense tout bas. Et on en parle. Tu fais bla bla bla. Zone libre. Et c'est l'heure de la zone libre avec toute l'équipe. Franck, Louis Rigaudière. Bonjour Louis. Bonjour Corentin. Ah oui, attention au micro. Avec Adèle Rosner, Liselotte Dutreuil et Marie Falicon. Bonjour Marie. Bonjour Corentin, bonjour à tous. Alors, et bonne fête à tous, hein, on rappelle, Saint-François de Sales, donc Saint-Patron des journalistes. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, Adèle. Bah je me renseignerai. Voilà. Moi je ne suis pas journaliste, donc pas de fête. Mais si, voilà. Vous êtes messie. Vous êtes journaliste de la Zone Libre. Allez. Non, je prends mon temps pour souhaiter un anniversaire à mon père, c'est aujourd'hui, vous voyez. Voilà, bon comme ça, il s'appelle François en plus. Donc, C'est sa fête. Il n'est pas sale, donc. Il est pas sale. Il est pas sale. Merci. Pardon, Franck, aux manettes. Et on va faire un petit détour par l'actualité européenne, Marie. Et oui, Corentin, tenez-vous bien. Ce n'est pas seulement de l'actualité européenne dont il est question, mais de la place et de l'avenir de toute notre civilisation. Le 17 janvier, le Parlement européen a adopté une résolution complètement hallucinante concernant la conscience historique européenne. Alors, cela renvoie bien sûr à la conscience collective du passé pour nos peuples. Le philosophe Raymond Aron dit très justement à ce sujet que l'homme n'a vraiment un passé que s'il a conscience d'en avoir un. Tant que les individus et les sociétés n'ont pas conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils furent, ils n'accèdent pas à la dimension propre de leur histoire. Alors on comprend ici tout l'enjeu que représente la conscience historique d'un peuple réuni autour d'un même passé et dirigé donc vers un même destin. Alors que s'est-il passé, Marie ? Eh bien le Parlement européen a adopté une résolution sur le caractère supranational de l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale elle-même. Et oui, oubliez votre chauvinisme, vous êtes avant tout des citoyens européens. Après les normes, les lois, l'Union européenne tente maintenant de supplanter l'histoire de chacun des États membres. Promis, je ne fais que reprendre les mots du rapport parlementaire. Et je l'ai justement sous les yeux, alors je vais vous en lire quelques extraits, mais je vous préviens, accrochez-vous. Allez-y. Alors, article 12. Le Parlement européen souligne le rôle essentiel de l'éducation et invite les États membres à actualiser leurs programmes d'études et méthodes d'enseignement existants afin de faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale et de mettre davantage l'accent sur une compréhension supranationale de l'histoire. Alors, c'est assumé. Hein. Voilà, vous comprenez la même chose que moi, c'est assez explicite. Le Parlement appelle aussi à privilégier les styles d'enseignement sous les formats de réflexion et de discussion plutôt que le transfert de connaissances. Pour que les étudiants, ce sont toujours les mots du Parlement, hein, apprennent à penser et non pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent penser. Alors on est en plein charabia européiste qui, sous couvert de bonnes intentions, tente d'en finir avec le récit propre à chaque nation du continent. Car le texte va plus loin. Donc, article 14. Le Parlement européen estime que le chauvinisme, les stéréotypes sexistes, les asymétries de pouvoir et les inégalités structurelles sont profondément ancrées dans l'histoire européenne et déplore donc l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'histoire, dans l'enseignement de l'histoire. Pardon. On nage en plein délire woke. L'Europe entend scruter nos programmes scolaires pour prétendument lutter contre la discrimination homme-femme, le racisme ou encore la radicalisation conduisant à l'extrémisme violent. Le rapport évoque des groupes de la société sous-représentés dans l'histoire, donc les fameuses minorités. L'idée n'est donc évidemment pas de défendre la triple origine civilisationnelle de l'Europe, issue d'Athènes, de Rome et de Jérusalem, mais bien d'en biaiser l'apprentissage pour valoriser les nouvelles cultures issues des vagues migratoires, leur apport et celui des femmes supposément invisibilisées, marginalisées. C'est une porte ouverte extrêmement grave aux réécritures, dictée par la bien-pensance et totalement éloignée de notre véritable histoire commune européenne. Alors c'est par exemple ce qu'on a pu voir avec la série consacrée à la figure d'Anne Boleyn, épouse du roi Henri VIII d'Angleterre, mère d'Elisabeth, représentée par une actrice noire. Exactement. On est dans le même politiquement correct qui est parallèlement historiquement incorrect. Et ce sont donc nos enfants, vos petits frères et sœurs, toutes les futures générations qui seront les cibles de cette rééducation européenne. Alors on est loin de l'ambition initialement affichée par le Parlement de faire émerger un travail historique commun pour la communauté de destin de peuple européen. Et ce texte a donc été voté, Marie ? Oui, en commission de la culture et de l'éducation, avec les voix de Renaissance et du PPE, le groupe des Républicains à l'Europe, c'était mercredi dernier à Strasbourg. Ce que je dénonce, c'est cette volonté d'approche globale qui détricote non seulement notre récit national, mais toute notre histoire européenne pourtant si riche. Car l'Europe, ce n'est pas seulement l'union de 27 pays membres à Bruxelles. Si leur Europe a 60 ans, 60 ans d'histoire, la nôtre en a 3000. C'est une identité, un patrimoine, les temples grecs, le forum romain, l'imaginaire celte et les mystères chrétiens, les cathédrales gothiques ou les églises baroques, c'est l'esprit de chevalerie aussi, et l'amour courtois. C'est une gastronomie, des paysages multiples, des figures héroïques, d'innombrables artistes, compositeurs, architectes, écrivains, des scientifiques, des prix Nobel. Voilà l'Europe. Dans ce combat de civilisation, souvenons-nous de ces mots du maréchal Foch. Un homme sans mémoire est un homme sans vie. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et oui, quand l'esprit se souvient, le peuple se maintient et c'est bien ça que veut effacer le Parlement européen. Mais écoutez, merci beaucoup Marie Falicon. Elle dit un homme sans mémoire est un homme sans vie, mais là on n'essaye pas d'être sans mémoire, on essaye de nous mettre une autre mémoire en tête, c'est-à-dire une mémoire supranationale. Et façon Total Recall, je ne sais pas si vous avez vu le film où il vous change les souvenirs dedans. Merci. Mais l'idée, on comprend bien, donc c'est d'effacer les peuples. En fait. Oui, voilà, d'effacer les peuples. Exactement. Mais c'est pas ça, d'effacer les peuples, mais c'est là vous dites un mémoire est un homme sans vie. Là, c'est une mémoire pour créer un homme cosmopolite, en fait, ils se sont un nouveau, l'homme nouveau, c'est un nouveau peuple, un homme universel moderne, plutôt. Ouais, voilà, un peuple aseptisé, un peuple sans forcément de culture, de religion, etc. Pour évidemment pas offenser l'autre, c'est toujours. Mais pas sans culture et sans religion, mais avec une culture et une religion, un peu un bougli-bougla de plein de choses. Vous voyez, c'est un homme où sans identité, on déconstruit l'identité. Mais il y avait déjà eu ce genre de polémique en 2021 avec une commissaire européenne, alors qui s'appelait Elena Dalli. J'ai retrouvé l'article, hein, c'était pas facile. Donc en 2021, qui avait sorti un dossier qui avait fait énormément polémique sur une façon comment s'exprimer de manière plus inclusive à la Commission européenne, de sorte à éviter d'offenser évidemment les autres cultures. Et évidemment, c'est là qu'on retrouve pour la première fois institutionnaliser le fameux Joyeuse Fête à la place de Joyeux Noël, évidemment. Et il incitait même les parents des nouveau-nés à ne pas donner des prénoms comme Maria et John, qui pourraient, par exemple, être remplacés par Malika et Julio. C'est exactement ce que je dénonce. C'est vraiment le fait de remplacer notre histoire. Accepter en fait le remplacement des peuples en changeant donc notre histoire et en assimilant en tout cas peut-être une nouvelle culture, peut-être celle de l'industrialisation, du sans-frontiérisme, d'un monde sans frontières. Et puis vous citez l'article 14 qui est assez drôle. Le Parlement européen estime que le chauvinisme, les stéréotypes sexistes, les asymétries de pouvoir et les inégalités structurelles sont profondément ancrées dans l'histoire européenne. Voilà. Alors évidemment, il y a du chauvinisme, du stéréotype sexisme dans la culture européenne, mais comme partout, si vous voulez. Enfin, si vous voyez, si vous allez en Asie, il y a du racisme, la place de la femme, j'en parle pas. En Afrique, en Amérique latine, c'est pareil. Tout à l'heure de la chevalerie de l'amour courtois. Voilà. On a une place quand même accordée à la femme, qui est à la fois mère, qui est à la fois Jeanne d'Arc, guerrière, qui est dans la mythologie aussi héritée du monde gréco-romain. La femme a une place centrale, et puis avec la Vierge Marie, j'en parle même pas, donc avec le christianisme après en Europe. Donc c'est éloigné aussi de notre histoire européenne, mais voilà, il considère que c'est pas suffisamment sensible au genre et ça marginalise trop les femmes, enfin bon. Surtout que ce politiquement correct vient en fait du christianisme, qui est une idée chrétienne devenue folle, comme parlait Chesterton. Donc c'est ça qui est incroyable. Ici, comparé avec d'autres cultures, culture africaine, culture asiatique, qui sont différentes, il y a évidemment un chauvinisme, il y a évidemment du racisme, il y a évidemment du sexisme dans toutes les cultures. C'est amusant de voir qu'ils se servent des mots chauvinisme, stéréotype sexiste et asymétrie de pouvoir. Alors en fait, le chauvinisme, c'est quoi ? C'est la fierté d'être ce qu'on est. Alors ça va plus loin que ça, j'ai regardé la définition exacte justement, parce que je doutais, c'est le nationalisme agressif et exclusif, avec xénophobie et tout le tralala. Ils choisissent ce mot-là juste pour parler de nos fiertés nationales. Les stéréotypes sexistes, en fait, on est juste dans une société qui réserve une place à l'homme et à la femme. Et concernant les inégalités structurelles, on a toujours eu une hiérarchie, une société organisée. Et alors l'autre chose qui est amusante, c'est que ce sont les premiers à essayer de faire valoir les caractéristiques individuelles pour se démarquer, les petites différences, chacun à sa place, chacun a le droit d'être ce qu'il est, et même revendiquer ces différences. Essayer de faire plier la société devant justement ces petites particularités. Alors moi, je suis sexo, je sais pas quoi, j'aime les chèvres. Et alors par contre, c'est les premiers derrière à expliquer second degré, que... C'est bien évidemment du second degré. Et derrière, c'est les premiers à expliquer qu'en revanche, il faut complètement uniformiser et lisser les pays entre eux. Et en fait, on est dans une espèce de schéma névrotique où on va devenir complètement schizophrène. On ne sait plus si on doit tous se ressembler et adhérer à un projet commun complètement dénaturé et sans saveur, ou si au contraire, on doit tous faire valoir notre identité individuelle. C'est vraiment fascinant ce schéma mental, en fait. Et comment, Louis Rigaudier? Oui, non, mais là, j'acquiesce tout à fait. Hein. Non, mais il faut pas. Chévrosexuel, ça vous parle, oui. Pardon? Les chévrosexuels. Chévrosexuels, non, je ne connais pas. C'est dépénalisé maintenant en Espagne. Non, je ne connais pas. Ça a été dépénalisé en Espagne, je crois. Alors, je crois. Oui, il y a une polémique là-dessus, mais je crois que c'est faux. Mais oui, je crois que c'était une fausse information, mais. Ou en tout cas, c'était. Je me renseignerai, j'en reparlerai vendredi. Mais ça a été démystifié, je suis quasiment sûr. Dans vos bonnes nouvelles de vendredi, vous pouvez nous parler de ça. Tout est permis vendredi. Tout est permis le vendredi, oui. Non, mais c'est vrai qu'on regarde ça un petit peu de loin et on se dit que ça n'a pas tellement de réalité, tout ça, de factuel, mais ça a quand même une incidence malgré tout dans les gouvernements des pays membres européens. Et faut pas sous-estimer la puissance de l'influence de la Commission européenne et du Parlement européen là-dessus, sur notre culture, sur notre tradition et sur notre manière de vivre, en tout cas, le plus simplement possible, hein, et même dans le détail, dans les termes employés, etc. Ça, quand on module le langage, quand on façonne le langage, on façonne les mentalités, et ça, le Parlement l'a bien compris. Et puis c'est une espèce d'union soviétique, l'Union européenne comparée à l'Union soviétique par beaucoup d'observateurs. Et notamment je voulais vous reparler du chauvinisme, parce que alors le chauvinisme de l'Union européenne, alors là on n'en parle jamais, parce que alors là ils sont fiers d'être dans l'Union, de machin, là il faut être fier de faire partie de l'Union européenne, mais pas nationale. C'est une question de taille en fait. Tout à l'heure je critiquais leur Europe.

en fait à construire la jonction. Donc oui, en fait, je proposition évidemment parce que j'ai de la sympathie pour leur combat et leurs revendications, qui en plus sont des revendications appelant à plus de protectionnisme économique, un retour à une forme de souveraineté alimentaire, politique. Mais je crois qu'en fait des convergences se construisent et que pour construire des convergences, il faut qu'effectivement des identitaires qui vont être plus présents sur des sujets d'identité aillent mettre sur des sujets sociaux auprès des agriculteurs pour permettre toutes les solidarités de demain, tout simplement. Écoutez, merci beaucoup Raphaël Emma. Je pense que le message est clair. Chers jeunes, engagez-vous. Si vous êtes moins jeunes, aidez-nous à nous engager. Alors je suppose qu'on peut aider votre mouvement, Raphaël. Donc on peut adhérer sur tenesun.fr. On peut aussi faire des dons depuis tenesun.fr de manière générale. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, nous relayer, c'est le premier des soutiens. Très bien, eh bien, ce sera fait, chers auditeurs. Je vous invite à le faire en tout cas. Raphaël Emma, je rappelle que vous êtes étudiant et militant identitaire et patriote au sein du mouvement Tenesun, mais aussi lanceur d'alerte. Merci d'avoir été parmi nous, merci pour votre combat et puis bon courage. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir encore suivis aujourd'hui. Mais il ne suffit pas de nous suivre, il faut aussi nous soutenir financièrement. Alors comment on fait pour soutenir financièrement la radio, l'émission, Franck ? Eh bien, on soutient Radio Courtoisie en allant sur soutenir.radiocourtoisie.fr. L'adresse est simple à retenir. Faites votre don en ligne dès maintenant pour nous soutenir et nous permettre notre choix éditorial. Et puis, vous pouvez aussi envoyer des chèques au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et quelles sont les émissions du jour ? Dans quelques instants, au fil des pages de Benoît Mancheron, préparez le carême avec l'abbé Troidec. Midi, le libre journal des économistes. 17h30, le RC Mag de Jean-Édouard Kerbidi. 18h, le libre journal de la résistance française, cette semaine avec Bernard Anthony. Et puis à 21h30, le libre journal des débats de Charles de Meyer, aujourd'hui politique de la cruauté. Et demain, on retrouve Maud Coffler qui recevra en vidéo Jérôme Fourquet. À demain. À demain, 7h.